Et voilà, j'ai une merde de souris de merde. Bravo, bravo. Bien sûr, ça sera coupé au montage. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 107 Manette Overdrive, bande de sales moutons, oui, vous qui achetez encore et encore ces sales remakes, je n'en peux plus. Numéro 3 diffusé parce qu'on doit être au 7ème pilote. J'ai en face de moi Shonen, comment vas-tu Shonen? Ça va super et toi? Bien. Super, il m'a piégé cet enfoiré. Eh ben, puisque tu prends la parole, Protopoulpe, parce que monsieur a décidé de changer de nom en cours d'émission, tu es à la régie aujourd'hui, comment vas-tu Protopoulpe? Ça va, j'ai enfin regagné mes moyens avec l'AREA, c'est cool. Tu vas pouvoir mettre à profit toutes tes tentacules dans l'AREA. Exactement, mais par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'ai été piégé pour chanter une chanson de merde. Ah, tu nous feras découvrir ta belle voix. Peut-être pas. Et nous avons en invité, parce qu'en fait, chaque semaine, on arrive à trouver un invité, j'ai avec moi Olam. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je teste pour la première fois l'émission 107 Manette Overdrive, et je suis bien content d'être là. Merci, ça me fait chaud au cœur. Nous devions avoir... Loki avec Loki. Nous. J'avais oublié son blaze. Nous devions avoir Loki avec nous, mais ce fils de lâche a décidé de partir chez Orange changer son téléphone qui vient tout juste de lui lâcher entre les mains. Et il est viré de le lâcher entre les mains. Et j'ai décidé de le virer. You are fired, man. Non, on le retrouvera à la prochaine émission parce qu'il est gentil. Un siège de on le retrouvera plus tard. Au sommaire de cette émission, on va parler de Flash, on va parler de Lex Luthor, on va parler des consoles qui sont vendues au Jap, on va parler aussi des jeux sortis, on va aussi parler de Borderlands The Handsome Collection, qui m'a l'air d'être une grosse connerie, on va parler de l'Oculus, un peu de Tatooine, et on va avoir une rubrique éco-techno sur ces fameux produits que vous achetez au prix fort et qui finalement ne coûtent pas tant que ça à produire. On va aussi avoir comme la rappeler... T'as une voix vachement aiguë quand même. Hein. Oui, j'ai une voix aiguë. Merci de me le rappeler, de me couper dans mon lancement. Protopool va vous chanter une petite chanson. Je vous laisse la surprise pour découvrir alors ça. Non. On va aussi parler du débat sur les remakes. Et oui, c'est pour ça ce lancement bande de moutons. Ça et on a des spectateurs. Et nous avons aussi spectateurs. Lève la main, spectateurs. Allez. Oui, ils sont au nombre incroyable de 6 ou 7, voire 10. Allez, j'en rajoute un petit peu. Peut-être non, que... en fait, ils sont 2. Hein. Et peut-être que dans le bâtiment, d'autres personnes nous écoutent. Donc, en fait, nous avons 10. Nous sommes des milliers. Nous sommes des milliers. Nous sommes une armée. À vous écouter. Nous sommes légion. Et nous terminerons, comme d'habitude, par un tour de la table ronde. Shonen, on met le casque. Et oui, c'est l'heure du Quick and Dirty et on commence tout de suite avec l'anniversaire de Flash. Et oui, bah aujourd'hui c'est le 27 mars, bravo. Et Urban Comics a décidé de sortir l'anthologie de Flash. Alors, il a 75 ans. Il est vieux. Ouais. Il court toujours aussi vite. Non, il court de c'est plus en plus vite. Chauve. Il a de plus en plus de pouvoir. Il... Non merde, je suis confondu. Donc, continue. Alors Flash, il est rouge et jaune et il court vite. Son histoire est super compliquée. Il y a eu 4 Flash différents, mais en fait, il a été fondé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie de ces super héros de propagande anti-nazie. Mais comme pratiquement la plupart des super héros. Voilà, sauf que lui, c'était vraiment le mec qui avait récupéré le casque de la Première Guerre mondiale de son père, qui était mort au combat. Enfin bref, il a beaucoup évolué depuis, et en fait, il était tombé un petit peu à l'abandon après un événement qui s'appelait Crisis on Infinite Earth. Ouais, je me la pète avec mon accent. Et on entend ça. Et du coup, attendez 2 secondes, il y a quelqu'un qui veut rentrer en régie. Alors, je t'en prie, vas-y. Les problèmes du direct différé. C'est ça, du direct différé. Ça les fans qui débarquent. Alors, par contre, évite de parler. Oui, je te montre. Évite de parler. Et donc, du coup, c'est les 70 ans de Flash. Vous l'aurez compris, j'essaye de meubler entre temps. On rentre dans la régie, mais on rentre aussi en salle de studio. C'est la fête du slip. C'est-à-dire que personne ne nous respecte, en fait. Donc, j'en profite, vu que Protopool te parle pas. Ne regardez pas la série Flash, c'est vraiment de la merde. Non, arrêtez, regarde. Justement, laisse-moi faire mon truc. Ah, tu l'as regardé alors, depuis le temps? Non, je n'ai pas envie. C'est vraiment de la merde. Stop. Non, elle est géniale. Donc du coup, argumentaire béton. Juste, je finis mon truc, tu me laisses parler, non mais ça suffit. Hein. Soit tu veux que je parle, soit je parle pas, mais Tout de suite, l'ultimatum. Hein. Sinon je me casse, je coupe tous vos micros et je balance de la musique et plus d'émission. Je t'en prie, continue sur Flash. J'ai le pouvoir sur l'émission. Donc ouais, Flash, en fait, il était devenu l'un des plus gros héros, même devant Batman de l'univers DC. Il était tombé un petit peu en désuétude après des changements à la tête de la direction de DC, mais récemment, il a permis de rebooter tout l'univers. C'est lui qui est à l'origine. En fait, il a sauvé tous les super-héros, il a remis à tout à zéro. Et du coup, il est devenu super, à nouveau super populaire. Il est devenu une des figures de proue de la maison d'édition face à Marvel. Et ça, il a une série qui marche très très bien aux États-Unis. L'acteur principal qui est Glenn Gustin et a été élu meilleur acteur de télévision des États-Unis sur les 6 derniers mois. Donc on enchaîne peut-être. Attends 2 secondes. Vu qu'il y a quelqu'un qui squatte ma réa, je n'ai pas mes jingles comme il faut. Voilà. Vous avez fait quoi ce week-end? On s'en fout. Allez, on enchaîne. Tout de suite, on va parler de Lex Luthor. Yes. On s'en bat les steaks. Non, attends. Jesse Eisenberg quand même. Hein. Qui a la news sur Lex Luthor? Moi. Alors, moi, je l'ai pas la news, mais je l'ai vu. Moi, je peux. Alors, Lex Luthor, je continue du coup. Vas-y. Shonen te laisse la parole. Je suis l'expert comics. Attention, je suis pas loin. Sur le. Oui, non, mais je te bats largement. Donc, bientôt, il va y avoir le fameux Batman vs Superman Dawn of Justice qui va sortir. Par Zack Snyder. Zack, Monsieur Snyder. Évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait ce type avant? Watchmen, Sucker Punch, l'un de mes films préférés. Watchmen, il fait partie de mes films préférés, il est énorme ce film. Bref, donc du coup, il y aura Ben Affleck dans le rôle de Batman. J'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai voulu tirer une balle. Je rigole pas, je dis juste que c'est, il a très bien joué dans Daredevil, Ben Affleck. Il a très bien joué dans Gone Girl. Mais justement, c'est Gone Girl qui m'a donné envie de lui laisser une chance quand même. Non, c'est un chouette type Ben Affleck. Autant en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Il avait pas joué dans Daredevil d'ailleurs? Si, et c'est pour ça que beaucoup de fans ne veulent pas le revoir je les costumes de super-héros. Et bien justement, ces fans-là, il faut qu'ils voient Gone Girl, ça va les convaincre vraiment de que c'est un bon acteur, parce que dans Gone Girl, j'ai trouvé juste épique. Et si vous lui mettez un masque... Il est calme. C'est peut-être un peu fort. Mais oui. Revenons à Lex Luthor. Lex Luthor, bah oui, parce que dans Dawn of Justice, forcément, ça va être la baston entre Batman, Superman, il y aura Wonder Woman et Aquaman au milieu, et il y aura surtout Lex Luthor, donc ce qui a été annoncé... comme casting, c'était Jesse Eisenberg qu'on a pu voir dans Insaisissable et dans beaucoup, bien d'autres films. Beaucoup de gens en fait. Quoi? Jason Momoa pour Aquaman. Ça passe un peu fouillis ce film. Si, justement, il y en a beaucoup qui ont peur que ça. En fait, j'ai l'impression que DC souhaite faire un peu comme Marvel, c'est-à-dire mettre en place mais beaucoup plus rapidement que chez Marvel, ils ont du retard de héros. Ils ont du retard et j'ai l'impression qu'ils veulent le combler assez rapidement. Oui, mais sauf que c'est cohérent. Halt! Je suis en poulpe! Bref, sauf que quand vous regardez leur programmation, ils ont beaucoup plus étalé leurs films. Qu'est-ce que tu entends par là? Marvel, 2 films par an, je crois. 2 films, voire 3 films par an. Avec Spider-Man, il y en aura 3 en une seule année. Ils pourront en sortir 10, j'irai les voir. Moi, j'ai le sentiment que DC, en fait, ne fait pas tant de films que ça, mais plus de séries. C'est peut-être à tort. Mais en fait, le souci, c'est que les séries, ils les reprennent pas dans leur univers. C'est-à-dire que les acteurs qui jouent Arrow et Flash ne seront pas dans les films. Et puis ce n'est pas les mêmes sociétés. Arrow et Flash appartiennent à la CW, je crois. Ouais, comme qui possédait Smallville d'ailleurs. Oui. Donc DC, ils sont complètement dedans. Nostalgie. Oui. Oh, ils sont très dedans. Donc du coup, Jesse Eisenberg, quand il avait été annoncé en tant que Lex Luthor, il avait été très critiqué. Enfin, beaucoup disaient non, mais c'est un choix de merde. Et là, récemment, on a vu sa photo de en tant qu'interprétant de Lex Luthor avec les cheveux rasés et tout ça, et là... T'es un néo-nazi, pardon. Oui, alors non. Ça, c'est point Godwin, c'est bon. Et du coup, il y a toute la fanbase qui s'est emballée en disant « Oui, c'est un super choix !» Les mêmes qui disaient que c'était une grosse merde. Ouais. Comme Ben Affleck, hein, les gens ils ont tout de suite engueulé Ben Affleck, alors que... Ah, c'est vrai que dans quelques mois, ils se sont un peu calmés. Du coup, peut-être qu'on peut enchaîner. On peut enchaîner. On va... actuellement parler des ventes de consoles au Japon. Alors j'ai fait mon petit tour quotidien sur jeuxvideo.com. Mais je crois que c'est pas l'action japonais, même pas mandarin. Je sais pas du tout ce que je fais. Alors du coup, il y a un Dragon Quest, un Yo-Kai Watch ou un Monster Hunter dedans. Alors non, parce que je vais parler des ventes consoles en fait plus que jeux. Mais toi, tu vas nous parler de jeux tout à l'heure, je crois. Alors je vais pratiquement paraphraser l'article que j'ai pu trouver sur jeuxvideo.com parce que je l'ai pas retravaillé. Jure de merde. Du coup, juste vente de la semaine PS4 en bonne et due forme, 46 000 ventes. Youhou, 3DS 28 000, PS Vita 21 000, Wii U 7 000, PS3 6 000. Ça continue à se vendre. Xbox One. Tu dis trois chiffres en fait. 40. Oui, il y a beaucoup de chiffres. Retenez juste que la PS4 explose les ventes de la semaine et qu'ils en sont à 332 000 ventes à l'année sur une vente totale d'1 300 000 pour l'archipel nippon. Et en ça, quoi c'est ça plutôt cool. Change notre vie. C'est intéressant de voir quand même que la Vita marche très bien. Voilà, c'est ça tout à fait. C'est alors que c'est vraiment si intéressant que ça. Alors qu'ici, bah, justement, je trouve que c'est super intéressant, Protopulp, parce que la Vita en France, en tout cas en Europe, elle ne fonctionne pas très bien. Bah, elle se vend pas énormément que ça. C'est une super console. C'est une super console. Alors console. Ouais, j'aimerais que la console. Hein, on se moquait du stop, mais franchement, la console. Personnellement, je l'ai prise en fait parce qu'on m'a offert une PS4 et le fait d'avoir un abonnement PSN Plus qui marche sur tout le parc mètre Sony me semblait assez intéressant. Mais en fait, je sais pas, y a pas vraiment de jeu. J'ai terminé Uncharted ce week-end. La PS Vita, moi, je l'aime bien. Cool. Uncharted. J'ai terminé aussi Gravity Rush, est génial. Ouais, voilà, Gravity Rush sur PS Vita, c'est vraiment un bon jeu. J'y ai joué, c'était génial. Et voilà. c'est une console quand même, comme tu le dis, Shonen, qui fait de belles prouesses techniques en fait. Et j'aime bien Olam qui ne dit rien parce qu'il ne capte rien ce qu'on dit. Moi, j'ai invité. Voilà, moi, je. Est-ce que tu as une console portable? Je ne capte rien. J'ai pas de console. Moi, c'est. Même pas. C'est le PC, le PC est mon ami. Et il a raison. PC Master Race. Exactement. Donc, voilà. C'était juste pour dire ça. Ouais, bah, tu te tais. Oui. C'est super, ça, gentil. On va parler tout de suite de l'Oculus qui va bientôt débarquer. L'Oculus Rift. Alors, ben, moi, je vais vous parler des news de l'Oculus Rift qui pourrait arriver sous votre sapin au Noël prochain. En effet, enfin! Putain. Ouais, enfin. On se projette. Ah, c'était trop vite. Il y a quand même plus, quelques bémols, hein. Alors, ah bon voilà, c'était, on se rappelle que c'était Facebook qui l'avait racheté pour 2 milliards en 2014. Vous voulez vous faire voler vos données personnelles? Traîtrise. Voilà, donc un petit bijou, mais qui pour l'instant est commercialisé sous deux formes de prototypes, DK1 et DK2. De poulpe. Le premier est disponible. Alors, on parle de version finale, mais bon, on sait que l'Oculus Rift est encore en développement, qui coûtera entre 400 et 500 euros. Le DK2, lui, coûterait 280 euros. C'est pas dégueu, hein, 280, ça alors va. Alors, c'est un bon prix, en effet. Mais il faudra encore attendre, et bon, quand même, c'est comme on dit, 280, c'est un très bon burger. C'est pas donné quand même, ça vous coûtera bien un burger. Je viens d'avoir donc, une super idée. Voilà, c'était les news de Oculus Rift. Pas beaucoup de changements donc en prévision. Enel, est-ce que vous l'avez essayé cet Oculus? Non. Oui. Personne. Non. Si toi tu l'as essayé, Shonen. Deux fois. Et alors, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est l'orgasme. C'est l'orgasme de tous les joueurs du monde. Ouais, sans déconner, depuis que j'ai testé, certains jeux me paraissent fades. Attends, moi c'est les débandades justement, j'ai eu la nausée en l'essayant. Moi j'ai l'impression oui, certains que les graphismes peinent énormément. Je sais pas, moi, mais oui, graphiquement, oui, j'ai une idée. Ouais. Vas-y, Protopulp. Il faudrait filmer les émissions parce que quand Olam parlait, Enel et Shonen, vous aviez vraiment l'air de vous faire chier. Ah bah écoute, alors on est plus ou moins sensible à certains sujets. Moi me faire chier quand on parle d'Oculus Rift, alors là non. Ah écoute, alors, en fait, de te faire chier dans ta vie. ton plaisir c'est de faire chier les gens, c'est ça? Ah, piéger à faire des trucs qu'ils ont pas envie de faire. Mais l'Oculus Rift changera ma vie. Oh. Vous ne me verrez plus. On va parler de Tatooine quand je retrouverai enfin cette news. Tatooine, moi je vous conseillerais d'attendre un petit moment parce que apparemment, eh bien, la ville de Tatooine, en tout cas celle qui sert de décor de Tatooine. Non, alors là par contre je vais te frapper. Non, alors tu m'as cassé dans mon Léon. Sincèrement, dans la vraie ville qui est en Tunisie, elle s'appelle vraiment Tatooine. Oui, la ville, oui. C'est Tatooine. Donc, alors, c'est tu pas te calmes tout de suite, Shonen. Alors, Tatooine. Reprends ton sujet. Tatooine. Reprends ton sujet. Reprends mon sujet. Tatooine qui est situé à Tatooine. Tatooine. Bah voilà, tu m'as perdu. Tatooine, oui, en effet. À Tatooine, à Tunis. Bah en fait, et aux mains des djihadistes. Donc, faites gaffe à vous, quoi, si vous y allez. Tu m'as coupé l'envie, en fait, de continuer cet exercice. Lâche ton casque et barre. C'est une ville. Je me casse. C'est une ville, elle ne peut pas être dans une autre ville. C'est une ville. C'est un petit Tatooine est à Tatooine. Elle est à 530 km de Tunis, en effet. Je me suis emmêlé les pinceaux, merci de rectifier en live. Bah, c'est là, en fait, où a été tourné le début de l'épisode 4 de Star Wars. Et donc voilà, et cette news, en fait, elle a été donnée par les États-Unis et d'autres gouvernements qui lancent un appel de prudence aux voyageurs, parce que ça serait un peu chaudard. En même temps, vu la guerre des trucs... Ouais, repère des djihadistes, tu m'étonnes qu'ils s'en fassent des bunkers, c'est vachement bien foutu, en fait, comme endroit. Ils sont laissés à l'abandon depuis des années, oui, hein. C'est pas trop ce qu'ils ont fait. Je pense que c'était bien délabré, hein, bon. Donc si vous y allez... Rejoins l'Alliance Rebelle. Faites-vous accompagner de mercenaires ou autres pour pas vous faire kidnapper. C'est toujours plus sympa. C'est toujours plus sympa. Armée de sabre laser. Peut-être que je vais changer de jingle, attends. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi. Sûrement plus adapté. Eh bien, puisque mon fil conducteur arrive au bout, est-ce que quelqu'un a une autre news ? Bah, non, mais par contre... Toi, Shonen, je crois que tu as une news. Attends, vas-y, qui veut parler ? On peut parler des dernières notes des jeux sortis. Ouais, récemment. C'est justement sur ce sur quoi je voulais te poser la question, Shonen, vu que tu as jeté un petit coup d'œil tout à l'heure au portail du jeu vidéo. J'adore ce jingle. Je pourrais danser dessus pendant des années. Ouais, alors il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis dernièrement. Non, c'est un peu la dèche. Globalement. Enfin, si les gens y retiennent vraiment que deux jeux, c'est Battlefield Hardline et Bloodborne. Alors Battlefield Hardline, selon la presse, il est noté à il est apprécié à 68%. Ce qui est finalement assez peu. Pour un BF ? Ouais, pour un gros jeu, enfin tu verras les autres notes à côté, c'est assez peu cette semaine. Et parmi les critiques, ce qu'on retient le plus souvent, c'est en gros c'est sympa quoi. C'est juste sympa. C'est un jeu sympa, mais tu vas pas temps, passer ta vie dessus. En même temps, quoi. C'était censé être un spin-off à BF. Question gameplay, j'ai pas vu la campagne multijoueur, la campagne solo a l'air un petit peu. La campagne solo a pas l'air très comme très attirante. Comme beaucoup de FPS. Ouais. Moi, je zappe la campagne solo maintenant. Ouais, alors oui. Ça, c'est sûr que c'est pas là-dessus qu'ils vont faire le plus de développement, mais ouais, en tout cas, voilà. On en avait parlé la semaine dernière avec Loki, qui n'est pas là, qui nous avait dit qu'il y avait qu'un seul mode de jeu, je crois, qui était très intéressant parmi toute la flopé. Ah oui, il l'avait. Ah putain, le sagouin il s'est cassé alors qu'il l'a acheté. Le sagouin, ouais, il aurait pu rebondir dessus. Donc 68%, pardon, oui. De méta score sur le portail du jeu vidéo. C'est ça. Et l'autre grosse sortie, c'est Bloodborne, mon Messi, que je ne peux pas jouer, malheureusement, je n'ai pas de PS4. Oh, c'est pauvre de toi. Déception d'avoir un PC. Et qui a 87% quand même, l'héritier de Dark Souls. Dark Souls. Parce que c'est fait par les papas de la saga Souls en fait. From Software, exactement. Donc en attendant un hypothétique Dark Souls 3. Il se tape combien lui de score hein? 87%. Ah c'est beaucoup mieux. Et il y a encore mieux. C'est Pillars of Eternity. Je sais pas si certains connaissent. C'est vraiment pas connu. Ça vient de sortir, ça sortira. C'est sorti hier je crois. Ça s'est pas fait kickstarter. C'est ça, c'est le résultat d'un kickstarter qui a très très bien fonctionné. C'est pour ça que c'est pas très connu, donc c'est un petit studio indépendant. Et en gros, de ce que j'ai vu pour le moment, c'est les bases du RPG. Kickstarter. Tu crées ton personnage, tu crées ta race, ta classe, tout ça. Ta race. La faction. Qu'est-ce qu'il a de spécial, alors, pour avoir 80%? Je ne sais pas. Enfin, les gens disent la joie de revenir aux bases. Oui, non, moi non plus, je ne comprends pas. C'est la base de revenir aux joies du... La base de revenir aux bases. Non, la joie de revenir aux bases du RPG. C'est très bien tourné, en effet. Shonen ne sait pas parler. Non, mais je ne comprends pas les gens. Quand je regarde, je ne sais pas. D'accord, donc un avis assez négatif. Mais non, est-ce que ce serait pas justement grâce à ce cet effet quick starting qu'il a une aussi bonne note de... C'est une bonne question. Pourquoi pas? Est-ce que ce serait pas c'est ça la presse, ouais. En fait, les gens... Tu dis qu'il est inconnu, mais tu sais un peu qu'il a fait ou le passif de ce jeu Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout... Tu sais, il s'est fait quick starter en même temps... Arrêtez de dire quick starter, il s'est fait kickstarter. Non mais, quick starter, c'est... Olam, quand tu dis quick starter, c'est l'idée que il s'est fait kickstarter très vite. Remarque, ça fait un jeu de mots. Ça fait un jeu de mots. Kickstarting, mais c'est-à-dire qu'il a eu des financements de manière exponentielle assez vite. Non mais remarque, ça fait un jeu de mots parce qu'il s'est fait kickstarter très rapidement. Voilà. Il a eu son financement en même pas une semaine. Fait du néologisme. On parle bien de financement participatif, oui. Le kickstart, ça fait penser à une petite musique que je vous balance. Attendez, il y a une pub. Sur laquelle tu vas chanter? Non, ce sera pas celle-là, ça c'est après. Oui, parce que, pour ceux qui nous écoutent, comme ceux qui sont, Restez ici. Restez avec nous. Restez deux minutes, parce qu'en fait, Shonen, alors j'ai lancé un blog, justement, avec le thème du poulpe, c'est pour ça que j'ai changé de nom, et Shonen m'a piégé pour il m'a obligé à chanter La Reine des Neiges. Mais avant ça, Shonen, attends, je reprends la parole. Shonen, ouais, tu n'avais plus rien à dire sur ce jeu? Alors, j'ai plus rien à dire sur ce jeu, mais j'ai quelque chose à dire sur les prochaines sorties. Il y en a pas des masses non plus. Tant qu'on est jeux vidéo. Ouais. Il y a Mortal Kombat X. Qu'on parle depuis un moment. Oui, il va bientôt sortir, mais alors c'est une révolte, ce truc. C'est ça. Mais il y a aussi quand même, trois autres jeux, sur lesquels on va pouvoir rebondir dans le débat. C'est State of Decay, Year One Survival Edition. Donc une nouvelle édition de State of Decay. Merde. Merci. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, qui est une nouvelle édition de Dark Souls 2, et Borderlands, Handsome Edition, qui regroupe Borderlands 1, 2 et The Pre-Sequel. Ça fait encore beaucoup de collections et de... Beaucoup de remakes, de portages, de tout ce que vous voulez. Mais on va y revenir plus tard dans l'émission. Le Kickstart, ça m'a fait penser à ça. Oh, c'est Motorhead ou Motley Crue? Ah, c'est toi qui m'as fait découvrir la chanson, t'es obligé de savoir. Alors, qui devinera ? En plateau, y a personne qui connaît. Quand ça sera avec... quand j'entendrai la voix du chanteur... Personne connaît ? Pour moi, c'est Motley Crue. Oui, c'est Motley Crue. Et c'est Kickstart My Heart. En fait, dès que vous avez commencé à en parler, ça m'y a fait penser. Et vu que c'est moi qui... On peut la laisser en bed ? Si tu veux, vu que c'est moi qui fais les sons, je me fais plaisir, en fait. Ouais, c'est génial. Ouais. Merci en tout cas pour ces sorties Shonen. Écoute, il y a pas de quoi. C'est toujours un plaisir de parler des jeux que je n'ai pas joué. Allez, je mets une petite transition tout en laissant l'autre en bed. Alors ça se fera en post prod. Hein. Ouais, parce que du coup on l'entend pas trop. C'était pas pourri, c'était un peu pourri. Hein. Non, en fait c'est à cause de la chanson que tu m'as demandé de laisser en bed. Alors est-ce qu'on a encore une news à faire, les gars? Pas ça de mon coûte côté. Combien un casque beat? Oui, parce ça sera beaucoup les beats, Nicolas. Ça va me permettre d'enchaîner en fait. Je checkais un peu Gizmodo et je suis tombé sur un article qui parlait du casque beat et devinez combien ça coûte un casque beat j'avais déjà ah mais non 15 euros la production, donc 15 euros. Ah, j'ai 15 euros dans la régie. Ah. Et qui dit mieux? Je l'ai vu. Donc. Alors, est-ce qu'on a le droit de savoir combien ça coûte déjà à la base? Alors, les casques Beats, le casque Beats, a plusieurs gammes. Le moins cher coûte 100 euros maintenant et il coûte au maximum 300 euros. Allez, j'ai envie de dire une centaine. C'est 24 euros, ça coûte à faire. Ça coûte 14 euros à construire, c'est un truc de dingue. Sérieusement? Wow. Ça coûte que dalle. Donc en fait, les gars, vous faites totalement enfler dessus. Alors, qui a un casque Beats? Ouais. Enflé ou pas enflé, c'est la question que je vais essayer d'élucider tout de suite. Oui, bah, on enchaîne. On enchaîne, tu m'as demandé des serbettes, donc on en parle. Regarde un peu le studio, toi. Ah oui. On te fait des... Moi je veux bien balancer tous les jingles mais on entend pas. En fait, j'aurais bien voulu qu'on mette une autre chanson pour que je puisse passer à ma rubrique. Tu veux que je te mette une autre chanson? Oh. Bon bah je coupe celle que tu m'as demandé de laisser alors. Non mais vous savez, quand vous parlez à des gens qui sont sur le plateau, on vous entend. Tu veux que je te mette le Quick and Dirty sans voix ou le Bête Sympa? Mets-moi le Bête Sympa. Allez. Alors je vais... Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je me fais plaisir. Mais tu me fais plaisir, mais... Puisque je vous parlais du casque Beats, j'avais envie aussi de vous parler un peu éco-techno pour le coup, et histoire de rajouter un peu une touche intellectuelle à ce podcast. Merci, Shonen. Donc, puisque ça coûte 14 $ en matériel, un casque Beats, et que c'est vendu en moyenne 250 $... Hein, parce que pas mal de en France, on le sait, $1 équivaut à 1 €, ce qui est un peu étrange. Du coup, je vous ai préparé un petit dossier dessus, histoire que vous compreniez comment ça fonctionne. Le prix, c'est 250 €, on va le fixer à ça pour un casque Beats. Et ce prix, est-ce que vous savez comment est-ce qu'il est défini? On a besoin d'argent. Vas-y, explique. Alors 24 euros dans la construction et tout le reste dans les poches de je ne sais qui. C'est pas tout à... Oui, c'est dans l'idée un peu, mais je voulais rentrer un peu plus dans les détails en parlant de valeur, Olam. Puisque je vous dis le matériel, en fait, en termes économiques, ça équivaut à... Je vais essayer de parler lentement. Ça équivaut à la valeur intrinsèque. Donc valeur intrinsèque, c'est égal à la valeur matérielle. C'est-à-dire... Tu peux te calmer. C'est-à-dire 14 $. Oh, il est tout perdu dans ce fixe. Mais j'ai tout perdu, oh, je m'en mêle les pinceaux, je sais pas pourquoi. Tiens, voilà, j'ai retrouvé. Te mets pas la peinture si tu te mélanges les pinceaux. Donc il y a la valeur intrinsèque. On prend en compte aussi dans le prix la valeur esthétique ou le design. En gros, c'est la gueule du bousin. On a aussi la valeur de la marque. Donc là, pour le coup, c'est Beats ou Dr. Dre. La valeur offre-demande, qu'en fonction du nombre de personnes qui proposent le produit ou de gens qui le demandent, le prix varie. T'as perdu Shonen. J'ai perdu Shonen. Je vais essayer de t'intéresser. Il faut que je parle plus de calmement. La pêche. Non, mais parce que j'avais aussi un ordinateur Beats et je payais beaucoup, alors que pourtant c'était vraiment de la merde. Parce que tu payes la marque. Mais on va aller un peu plus dans les détails. Après l'offre-demande, il y a la valeur émotionnelle, mais elle est souvent égale à zéro parce que c'est un produit, donc par définition. Émotionnelle. Oui. Par exemple, si tu as un tableau, il y a une forte valeur émotionnelle dedans. Parce qu'il vient de telle personne, parce qu'il a un héritage, un passif. De la même manière que si Un casque Beats n'a pas vraiment de passif. Zéro, tout comme un autre produit, en fait, parce qu'ils sont faits en boucle et autres, et qu'est-ce qui distingue voilà. Et dernièrement, il y a la valeur relative. En fonction du moment, ton prix peut varier. Je te donne un exemple. Avec un verre d'eau, ça marche très bien. Combien, les gars, est-ce que vous mettriez pour avoir un verre d'eau? Bah, le prix du verre. Et après, je vais dans un... Le prix du verre, d'accord, pour Protopoulpe. Le rognure donc. 5 centimes. 5 centimes, shonen. Et combien est-ce que tu mets aux lames pour que je te donne un verre d'eau? J'ai donné une rognure d'ongle. Une rognure d'ongle. Bah, en fait, t'as totalement raison, c'est aux lames, c'est ce qui se rapproche le plus, parce que c'est gratos, en fait, de l'eau du robinet. Bah oui, mais... Putain, les mecs sont riches, le mec il donne 5 centimes. Ouais. Mais... Par contre, si tu es dans le désert, dans le Sahara, et tu n'as plus d'eau, et il y a un Touareg qui débarque de je ne sais où avec une putain de bouteille d'Evian. Enel, je t'explique. Combien est-ce que tu me donnes pour l'avoir? Bah mais... beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais si moi si je suis dans le désert, non, il y a peu de demandes. L'offre et la demande. Non, il y a peu d'offres, mais il y a beaucoup de demandes, Brutti. Donc, bah non, il y a une offre et une demande. Parce que t'es tout seul dans le Sahara. Si je me retrouve tout seul dans le Sahara, je suis en poulpe, donc je meurs. Bah, toi tu meurs, d'accord, mais pour les autres. Le mec qui s'en fout. Non, mais t'es le présentateur compatissant. Hein. Qu'il soit un poulpe ou pas, dans le désert, sans eau, on meurt. Tout ça pour dire quoi que forcément, bah la seule bouteille d'eau qui est disponible, bah vous allez raquer pour l'obtenir. Donc c'est un peu ça. Et donc il y a plus de bits, c'est ça? C'est pour ça que c'est très cher. Pour récapituler, ton casque il coûte 250$, tu as 14$ qui va partir dans la valeur intrinsèque. Point casque bits, je pense que la valeur de la marque est très forte, tu payes surtout le fait que ce soit Dr. Dre qui soit dessus. Mais comme je te dis, hein, l'ordinateur il m'a coûté très cher, juste pour la marque, parce que les composants étaient vraiment... Et le fait que ce soit rare, c'est ça? Non, pas tout à fait, parce que tu vois que c'est fait en usine en fait. Je trouve pas que le casque soit spécialement rare ou en pénurie. C'est ça l'idée. J'en vois énormément. Et pourtant j'ai essayé. Enfin, le son est bien, mais pour ce prix-là, je m'attendais quand même à mieux. Donc voilà, en fait, vous faites en sur le design esthétique, parce que mine de rien, il faut avouer qu'ils sont assez sobres. Les casques qu'on a là sont pas très sobres, mais ils fonctionnent très bien. Oui, ils font l'affaire, et je pense qu'ils coûtent pas plus au niveau matos ou. On a des Sennheiser sur la tête. Je n'ai pas le truc. Une très bonne marque. Sennheiser fait des trucs sympas. Des HD 360, c'est plutôt cool. Je vais vous donner un autre exemple avec un autre produit et je vais vous laisser faire si vous avez un peu compris l'idée. Ouais, non, calme-toi dans la régie. Je sens que t'as envie que de ça. J'ai envie que de ça. Sur un Mac. Okay, calme. De quoi? J'ai pas compris là. Je vous écoutais pas parce que. Si on prend un MacBook Pro et qu'on applique les mêmes le même truc, est-ce que vous pourriez me le faire? Non. La valeur intrinsèque d'un MacBook Pro. Enfin, j'aime bien ce qu'ils vendent, mais. Alors, il faut que je vous aide. Pas des mêmes Macs, des mêmes Macs que vous, mais c'est pas grave. Le MacBook Pro, il est vendu à 1100€, à peu près. Mm-hmm. Et Apple se fait une marge de 400 et quelques dollars dessus. Vous savez qu'avec tout le bénéfice qu'ils ont fait, ils pourraient envoyer des Ferrari en orbite. Apple. Oui, ils pourraient sauver. Ah, ça m'étonnerait pas. Plusieurs pays en. Ils pourraient carrément éradiquer la famine dans le monde. Ils pourraient sauver la Ferrari. Oui. Et oui. Il pourrait envoyer des pommes en orbite aussi. Un peu comme toutes les autres entreprises de la Silicon Valley en fait. Ouais, sauf que Apple c'est quand même le seul qui pèse le plus lourd avec Google. Je dis ça avec mon iPhone sur la. J'aurais plutôt compté en nombre de chinois exploités, mais bon. Qu'on le pende. Mais pour revenir à cette analyse écho, en fait, on se remarque quoi que Apple fait à peu près la même chose qu'avec les Beats. Ça coûte un peu plus cher au niveau du matos, mais tu payes la marque. Avec les Beats. Ah oui. Non, ouais, non, il vient d'arriver lui. Ah, il faut suivre. Ouais, non mais tu l'as prononcé à la française, ça faisait très bizarre à l'antenne, je te préviens. Ça donne quoi en anglais? Bah non mais là t'as dit. Non la française. Tout à l'heure t'as dit avec les beats. Alors par contre. Non. J'ai fait l'effort en plus d'articuler. Donc le coup, non. D'audition. C'est confirmé. J'ai les deux spectateurs qui sont avec moi dans la régie. Par contre, puisque j'ai dit que c'était à peu près la même chose avec. Bah non sinon on avance pas. Avec les MacBook Pro, on va prendre le contre-pied cette fois-ci avec la console de Sony et la console de Microsoft, c'est-à-dire la Xbox One et la PS4. Et là, on se rend compte de quoi que les consoles coûtent 381€. À construire en coût matériel, en composant. Elles sont pas vendues. Et elle est vendue à 400€. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, ce qui signifie que. Petite marge. Ce qui signifie que Sony vend. Non, comme ils ne font même pas de marge, ils vendent les consoles à perte. Mm-hmm. Parce qu'en France, tu as 20% de taxes sur ces produits, si tu comptes l'importation et autres. Donc en fait, ils vendent les consoles à perte. Et t'as une raison pour ça? Est-ce que. Bah Sony et Microsoft ont l'intérêt pour. Bah. La stratégie commerciale, on sort un peu du sujet, mais la stratégie commerciale de Microsoft et de Sony, c'est de perdre des sous sur les consoles, mais de se rattraper sur les accessoires. Une manette PS4 coûte $15, je crois, à fabriquer. Ouais, c'est vrai, là, parce qu'on se fait chier. Et c'est un peu la même chose pour la manette de Xbox One. Donc, elles sont vendues 60€, tu fais le calcul, ils se font un bénéf de 40 est-ce et quelques. Pas, est-ce qu'ils se font un bénéf sur... Et les jeux. Voilà, les jeux. Une et le démat. En gros, la console en elle-même. Les maths et bien, la physique. C'est moins cher. Enfin, ils se font pas de marge dessus, mais tout ce qui est à côté. C'est ça. Ils se rattrapent dessus. Tout à fait. C'est une stratégie comme une autre. Ils sont pas cons. Mais j'aime bien parce que n'empêche, ça fait 4 émissions qu'on fait, 3 émissions. Et maintenant, vous êtes blindé à mes blagues de merde. C'est-à-dire que depuis le début, je fais des vannes pourries. Surtout qu'on t'écoute pas. Vous ne réagissez même plus. On est blindé de toi. On est blindé de toi avec tous tes tentacules, protopoulpe. Ah oui. Ah oui. Donc, pour résumer, lorsque vous avez un truc qu'on vous vend, vous prenez le prix et vous essayez de vous amuser à calculer sa valeur intrinsèque, esthétique, de marque, l'offre-demande, émotionnelle et relative. Alors c'était assez rapide comme truc, j'espère que vous en retiendrez quelque chose, les gars. Oui, bon bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, ça se fera en post-prod, parce qu'on va mettre peut-être un petit truc un peu plus sexy, parce que je crois que c'est le meilleur moment de l'émission. Ah oui. Puisque Protopoulpe, tu nous as promis il y a quelques jours. Je tiens à préciser exactement toute l'histoire. Pas de blabla. C'est la faute de Shonen, ce bâtard. Resitue. Alors, en fait, j'ai lancé mardi un blog et Shonen pour. Quelle est l'adresse du blog? Alors, l'adresse du blog, c'est au-nom-du-poulpe.wordpress.com. Et donc, Shonen m'a dit. Monsieur est radin pour pas acheter le nom de domaine. Qui ne me ferait, oui, enfin, c'est pas que je suis radin, c'est que je suis pauvre. C'est pas pareil. Et donc, cette émission ne rapporte rien. Bah, c'est à cause de notre présentateur qui nous paye pas. Salaud. Mais c'est totalement faux. Je viens de vous acheter une canette de pro avant de rentrer en... Donc, la dernière fois, c'est moi qui ai payé la tournée alors que j'ai pas de thunes. Hein? Ne provoque pas. Et donc, Shonen m'avait menacé en fait de ne pas faire ma promo à moins que je ne chante La Reine des Neiges, parce que pour nos auditeurs réguliers, vous savez à quel point j'adore La Reine des Neiges, n'est-ce pas ? Vous avez vu l'épisode 1 en fait. N'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas ? Oula, j'arrive plus à faire l'accent de notre ami Jean-Marie, il faudra l'inviter. Oh non, c'est pas une bonne idée. C'est un peu comme Zemmour, on s'en fout. Jean-Marie Le Pen Gaming, n'est-ce pas ? Et en fait, oui, n'est-ce pas ? Et en fait, j'ai avec moi les spectateurs qui sont dans la régie et je vais être obligé. Au début, je voulais juste chanter les deux premières lignes. Je conseille de fermer la porte. Non, ils sont partis, ils ont compris ce qu'allait se passer. Non, ils sont cachés, vous les voyez pas, mais ils sont juste là en fait. Hein. En fait, au début, je voulais juste dire le début du refrain, mais il y a une petite sadique qu'on appellera la fille de la régie qui veut m'obliger à chanter le refrain en entier. Donc, du coup, je sais pas trop si je vais. Attends, que je me resitue le refrain. Tu veux les paroles non chantées. Et lance la musique. Non, mais je pense que le refrain est pas si long que ça. En fait, le refrain fait très exactement. Tu veux l'accompagner, Chanel ? Sept vers. C'est quoi ? C'est délivré, délibéré, Alors, non, c'est libéré, délivré, blablabla. Tu la connais par cœur maintenant. Je la connais pas par cœur, j'ai les lyrics juste devant moi parce que moi j'ai internet. Bande de. J'ai les lyrics. Mais c'est-à-dire que Shonen connaît les paroles par cœur, c'est ça. C'est décidé, je m'en vais. C'est ma sonnerie. Ah oui, j'ai laissé mon enfance en été. On proposera en sonnerie cette chanson. Ah oui, non, c'est pour vous auditeurs. Bande de comploteurs, vous voulez. On fera un MP3, un point MP3 à mettre sur mon. En tout cas, Shonen, tu vas être obligé de me faire énormément de pubs et Olam du coup aussi parce que t'es la victime collatérale du truc. voilà, bon, j'assume pour le tout. Je tiens à préciser que les prochaines secondes ne sont plus sous mon contrôle. Hein, je tiens à me dédouaner de ce que je suis hors faire. De contrôle. Tu nous mets la musique en fond quand même. Tu veux la musique? Oui, parce que juste ta voix, ça me dégoûte. On veut l'instru. On veut l'instru, bien sûr. Oui, l'instru. Alors je vais voir si je peux. Ah mais non. Mets la musique. La musique. Mais en fond, comme ça, tu sauras quand partir en même temps. Oh yes. Allez. On veut t'entendre toi. Hein. Ça fait du bien. Ça risque d'être nul. Je vous préviens tout de suite, les auditeurs vont vouloir se suicider après cette petite performance. En plus, je vais être filmé en direct. Non, mais c'est vraiment de la merde, je peux pas chanter ça. Oh là là. En plus, je connais même pas le rythme, c'est la première fois que j'écoute cette chanson. C'est l'âge adolescent. Et il faut le filmer, les gars. Non, mais c'est déjà fait, c'est bon. C'est Elsa qui se rebelle. Non, mais on s'en fout de Elsa, putain. C'est magnifique. Je fais ça juste pour mon site. Attention. Non, c'est pas là. Oh la fin. T'inquiète pas, je lui dirai. Bah oui, tu la connais par cœur. Son goût. Je connais même pas le rythme. Bon, tu suivras Elsa. Oh là là. J'ai mon cœur qui bat sans l'heure. Je n'ai pas envie, là, on le sent. Vas-y. Attention. Délivré. Je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai pas d'envie. Je laissais mon enfant. L'enfance en été. C'est pourri. C'est faux. C'est la première fois que j'écoute les chansons quand même. Hein. Et j'ai déjà bien chanté, on va s'arrêter. Ah, c'est pas mal. C'est tout. On peut l'applaudir quand même. Oui, non, parce que franchement, c'est. Merci. Ah ben, merci, big up. Merci. Donc, la semaine prochaine, retrouvez Protopoulpe dans la chanson. Déjà, vous ne me retrouverez pas parce que je me serais suicidé en fait. Ce sera comme un homme de Mulan dans la semaine prochaine. Non, non, faut pas déconner. Hein, je l'aime sens... beaucoup aussi. Non, mais... Shonen, ta gueule. Ok. Donc voilà, Shonen, maintenant tu dois faire ma pub. Je trouve que pour la première fois que j'ai écouté cette chanson, je m'en suis pas trop mal sorti. Franchement, parce que je suis souviens... autocritique. Non, mais je me souviens la première émission quand ouais, je me suis pas trop mal sorti. Shonen, la voix est bonne, l'intonation est bonne. On sait que t'es un fan inconsidéré de. Non, je ne suis pas un fan, je déteste le ça. Le jury s'est retourné pour applaudir. Ah oui, Enel, tu pourrais faire les jurés de The Voice vu que tu me tournes le dos. Ah oui, tu aurais dû te retourner. Genre, je te vois dans l'équipe. Ouais. Je te vois dans mon équipe. Putain, l'accent de merde. Faudrait vraiment faire filmer cette émission parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je pense. Peut-être non. qu'on peut non. essayer d'enchaîner. On va enchaîner, mais balance un jingle. Tu veux un petit jingle? Alors, excuse-moi parce que là... Parce que en fait, à cause de cette chanson, ça m'a complètement. Je t'en ai donné une dizaine. Me dis pas qu'il y en a pas un. Non, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne passent pas sur le jingle palette. Donc je vais t'en balancer un quand même. Toutou. Voilà, pour pas changer de jingle depuis le début de l'émission. Non, j'ai mis celui dans l'autre sens et j'ai fait un petit toutou. Après, on va attaquer le vif. On va attaquer le vif du sujet, je crois, de cette émission. On est pile dans les temps. On va essayer de faire un truc assez sympatoche. On a eu récemment la sortie, enfin l'annonce plutôt, de la part de Sony qui souhaitait rééditer God of War 3 en version HD, je crois, ça va être une remastered edition. Et pas que, enfin. Sur PS4 et elle va sortir le 15 juillet. Bon, ça on s'en fout, c'est un peu de la com. Il y a pas eu que God of War, mais oui justement. On a aussi l'annonce du dernier Batman, je crois, qui va être remis. En tout cas, la dernière série. Et DMC qui sort bientôt. DMC Definitive Edition qui va revenir. J'aime bien le nom en plus Definitive Edition, genre c'est bon après Definitive les mecs Edition. Rappelle pour genre, les... Si on garde aussi en tête, y a pas mal de trucs qui sont faits de Ratchet & Clank Trilogy, on a aussi Sly Jack Cooper, and Dexter Trilogy. Tous les jeux Insomniac, Ratchet & Clank, Jack and Dexter, Sly Cooper. On a aussi Tomb Raider qui est revenu en version HD. Bon voilà, ce sont des titres. On a eu Echo. Ah oui. On a eu aussi Shadow of Colossus qui est revenu en version HD avec Echo. Bref, on a une pléthorée de jeux qui reviennent sous forme de remake. Et aussi, parce que en fait, ce sont pas tous des remakes. Et j'aimerais aussi vous demander, vu que c'est un débat, les remakes, bien ou pas. Et j'aimerais bien qu'on commence ce débat en expliquant peut-être aux auditeurs qu'est-ce qu'un remake et est-ce qu'il y a des mots en fait qui s'en rapprochent et est-ce qu'on peut différencier un peu tout ça là, ce petit méli-mélo. Shonen, tu as envie de commencer à parler, je crois. Alors, vous êtes en train de faire quelque chose de très précieux. Je vous interromps parce que votre émission, je m'en fous. C'est qu'il y a énormément de choses à dire. Le spectateur, en fait, se met à chanter. Je les ai inspirés. Et du coup, là, vous avez raté un grand moment parce que j'avais coupé le micro. Mais vraiment, je pense que je n'aurais pas dû le couper. T'as dû le laisser, c'était très très drôle. Mais je vous en prie, continuez. Merci pour l'anecdote. Merci de cette interception. Intervention. Sûr. Il ne sait pas parler français, ce petit présentateur. Non, je suis un fils d'immigré. Roumain. Pakistanais. Allez, on va t'envoyer faire la manche. C'est parti. Shonen. Oui. Oui, non, mais c'est pas Shonen, le remake. Est-ce que tu peux le définir? Il y a énormément de choses à dire. Parce que déjà, l'idée du débat, elle était venue parce que j'avais vu une photo d'un mec qui avait... J'essaie de lancer un truc et le mec, il va avant. Oui, non, mais j'avais vu juste une photo d'un mec qui montrait ses jeux qu'il avait sur PS4. Et il y avait que des remakes dedans. Il y avait Sly Cooper, il y avait Uncharted, il y avait Tomb Raider. Non, non. Que des remakes. Il avait pas un seul putain de jeu qui était qui était new gen. Il montrait quoi? C'était de la new ouais. Vous voyez bien mes grosses parenthèses avec mes doigts là. Oui, je les vois. Les auditeurs ne les voient pas. De la new gen. Et donc oui, il y a pas de new gen. Il y en a presque pas aujourd'hui déjà. Ça fait combien de temps que la PS4 et la Xbox One sont sorties? Ça fait 2 ans maintenant. Mais alors on a aussi Son of Rome. Rise. Oui, Rise, Son of Rome, on s'en fout, c'est pareil. Ce film là qui dure plus de 2 heures et qu'on peut trouver sur YouTube. Ce n'est pas un film. Ouais, il y a des jeu implémenté à la Xbox One. Déjà, ouais. Il y a des exclus, mais Xbox ils en ont plus des masses, hein, parce que Rise est sur PC, Dead Rising est sur PC. Mais après, faut dire. Oui, alors on parle de PS4 peut-être. Alors Olam, hein? Olam, je te donne. Olam, est-ce que tu peux nous, tu voulais dire quelque chose différent, c'est quoi, de quoi? Alors là, on parle de reboot, un petit peu de remake, de ouais, non, de c'est ça qu'il faut HD, en fait entre remake et reboot. Voilà, genre DMC n'est pas un remake, C'est un reboot de la saga. Alors, puisque tu n'as pas répondu à ma question tout à l'heure, Shonen, je vais traduire ce que c'est que le remake. Ça vient de « to remake », qui signifie « refaire » en anglais. Je prends la définition Wikipédia. Hein. Le concept de remake est le même que pour les adaptations littéraires. La première adaptation du livre est la version originale, qui est appelée adaptation littéraire, et les suivantes sont des remakes. En gros, c'est le fait de refaire... Si je vais à la FNAC, j'achète la Bible, c'est un remake de la Bible originale. Non mais tu non mais ouais non, c'est ouais si on... attendez si non il si y a la réédition et le remake, c'est ça qui est intéressant justement. Il y a pas mal de mots qui sont assez synonymes et proches. J'en ai fait une liste. Tu as parlé du reboot. Alors justement, je voulais plutôt parler du portage. On parlait de voilà, portage, c'est aussi un autre exactement mot. Exactement, voilà, c'est plutôt... portal. Alors, portage. Non, voilà, portal. Justement, c'est un jeu passer d'une console à une autre, comme ça. Est-ce que c'est bien ça la définition du portage? Le portage, c'est quand tu as un jeu qui est défini sur une telle machine et qui exactement est porté sur une autre. D'accord, donc c'est plutôt de ça qu'on pourrait parler quand on parle de Uncharted HD ou je sais pas des jeux traduits en HD en fait tout simplement. Ouais, par exemple Resident Evil Revelation 1 qui était prévu sur qui est sorti sur à la début de la 3DS, pas longtemps après, et qui a été porté sur Steam, sur PC, ou encore Dementium. Petit jeu que personne n'a joué, que personne connaît. Est-ce que du coup, ce ne sont pas aussi des, ce sont pas plutôt des remakes? Est-ce qu'ils sont refaits entièrement ou pas, ces jeux? Moi, c'est ce que je comprends par remake. Ils sont forcément refaits un peu, mais pas entièrement. Genre, par exemple, Resident Evil Revelation, il est super beau, et ça se voit qu'ils l'ont refait entièrement. Dementium, le jeu dont je parlais, il finit à la pisse. FF Type Zero, qui est sorti il y a... Les gars, oui. On s'ennuie un petit peu. Tais-toi. Non, FF Type Zero. Mais t'es plus de page, bordel! FF Type Zero, qui était sur PSP. Ouais. Il est moche. Alors maintenant pour, sur. Pour moi, c'était pas un remake, par exemple, ce type PS4. 0. Pour moi, c'est un portage, parce que le jeu ne change vraiment pas par rapport à la version PSP, ou en tout cas pas grand-chose. Ne serait-ce que visuellement, on voit que c'est daté. Rien n'a été fait pour rehausser le niveau. Pareil pour les God of War HD Collection. Je les ai eus avec ma PS Vita et je m'attendais à avoir un jeu vraiment rehaussé. On aime ta vie. Ben non, mais même si toi auditeur tu souhaites acheter God of War HD Collection, bah sache que ça ne change pas beaucoup par rapport aux versions PS2. Enfin, en tout cas, moi je n'ai pas eu un rehaussage, ça m'a pas comme pour Resident Evil en fait, qui vient d'être récemment remis sur le PSN et sur le Xbox Live et sur Steam, je crois. Lui, alors, je conseille. Dès que je fais une faute parce que ma langue fourche, vous me clashez. Mais NL, il peut dire le XBED. On peut commencer dès maintenant. XBLA. Voilà. Allez. Et personne ne dit rien. Bah pourquoi? Parce que ça veut rien dire. XBLA, c'est le Xbox Live. Ouais, c'est comme dire PSN. Ouais, c'est PlayStation. C'est vrai que c'est plus long. Sur Xbox One, on dit le live. Oh, le mec qui est... Alors, tu vois, hein? Mais pas tout ce que tu ne connais pas. Mais comment vous feriez, nous éparpillons pas trop. Du coup, il y a pas mal de mots. On a dit quoi? On a cité le remake. On a cité le portage. On a cité le reboot. Le reboot, c'est quoi? C'est pour moi, c'est recommencer la série depuis le début. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, Tomb Raider qui est sorti en 2013. Mon Dieu, Tomb Raider qui a deux reboots en fait. Super jeu. Donc reboot, ce serait plutôt concernant une série. Tout à fait. Ça concerne plus une série ou une saga. Pour Tomb Raider, c'est un très très bon exemple. Puisqu'on a eu l'épisode Anniversary qui remettait les bases, et on a eu aussi le dernier Tomb Raider qui transforme, mais alors là, totalement le héros et l'univers, etc. Tu es d'accord, Shonen? Non, oui, je suis d'accord, surtout que c'est un super jeu. Réflexion. Enfin, j'ai joué à Tomb Raider 3 et à Tomb Raider le reboot, et clairement, le reboot est meilleur. Enfin, en même temps, c'est pas la même année, mais j'ai eu beaucoup plus envie de continuer Tomb Raider le reboot que Tomb Raider 3. Par rapport à l'histoire, plutôt? Si tu parles pas des graphiques justement. Par rapport à l'ambiance. D'accord, Tomb Raider, enfin Tomb Raider avant, c'était la meuf, elle était c'était Lara Croft, la meuf sexy imbattable. Dans Tomb Raider le reboot, la meuf, elle est fragile, elle en prend plein la gueule, elle se relève, enfin clairement elle est fragile quoi. C'est plus Wonder Woman, la meuf qui affronte tout et qui s'en bat les couilles. Et à ce moment-là, le reboot est intéressant. Vaut le coup d'être fait. Dans ce cas-là, oui, c'est complètement un jeu différent en gros. Alors c'est pas là, parce que là on parle de jeux vidéo, mais le reboot ça marche aussi pour le cinéma. Oui. Beaucoup ces derniers temps. Protopulpe, toi qui es ultra calé niveau comics, est-ce que tu as surkiffé ta race les derniers Spider-Man? Protopulpe nous a Il a pas de micro, merde. Non, il a pas de... il a le dos bâtard, hein, je te fais un doigt. Eh oh, enculé. Fils de lâche. Tu te rappelles que tu fais partie d'une émission? Oui, mais alors parler avec les spectateurs parce qu'en fait vous les ennuyez. Ah oui. Bah justement, intéresse-les, on t'appelle. Non mais en fait, justement, j'essaie de les intéresser pour qu'ils essayent de pas vous écouter. Repose ta question, Anel. Enculé, on était en train de parler des séries, des comics, etc. Parce que le reboot, en fait, ça ne concerne pas uniquement que le jeu vidéo, ça concerne énormément le cinéma. Et on était en train de parler. si tu avais apprécié ou si tu trouvais le reboot de la saga de Spider-Man intéressante. Alors moi, j'avais kiffé le reboot du le film parce que je trouvais que l'acteur était plus cool en fait. Andrew Garfield. Ce qu'il faut savoir pour Spider-Man, c'est qu'il y a deux univers. Il y a l'univers classique et l'univers Ultimate. L'univers Ultimate, c'est une version un peu plus moderne du personnage. Il est plus jeune, je crois. Mais pour le reboot au cinéma, est-ce que c'est intéressant? Je trouve que le reboot au cinéma avait été très bien adapté de ce comics-là, justement. Et que même si on lui a fait un sale procès en disant que c'était un film de merde, moi j'ai trouvé au contraire qu'il était super intéressant. D'ailleurs, j'étais allé le voir avec la fille de la régie qui est avec moi, si elle s'en souvient. Elle s'en souvient pas. C'est cool, d'accord. Je ne laisse aucun souvenir à ceux avec qui je vais voir des films. J'ai l'impression d'être invisible. Bon bref, je ne suis pas très intéressant. En tout cas, la musique de Hans Zimmer avait beaucoup aidé sur... Bien sûr. Mais les deux, pour moi, les deux films étaient géniaux et il aurait fallu garder Andrew Garfield. Surtout quand on voit les rumeurs de casting qui balancent, la gueule des mecs, pas envie du tout. Ah oui, le jeune, le tout petit là. Le dernier qui est sorti, ouais, t'as vu Shonen, franchement, sérieux. C'est un gamin. C'est du foutage de gueule. Non mais les mecs qui vont dans la rue, ils font « Tiens, toi, tu voudrais pas jouer Spider-Man ?» Alors, on parle de reboot. Il y a aussi un truc qui est assez impressionnant, c'est l'auto-remake. Et tout à l'heure, je parlais aussi du reboot de l'univers DC de Flash. T'aurais pu le recaser. Oui, j'aurais pu le recaser, le reboot de Flash. L'auto... Man of Steel est un reboot ou pas? Comment? Man of Steel. Pour moi, c'est un reboot. Ce n'est pas un reboot, c'est un remake. Parce qu'ils ont pas remis... Ils sont partis sur un nouvel... Non, c'est pas un remake, parce que si c'est un remake, c'est-à-dire que c'est pris d'un film déjà fait, qui est refait. Bah en fait, alors que le reboot, c'est faire table rase, pour moi. C'est table rase. C'est prendre les mêmes personnages, mais faire un nouveau truc avec. Smallville, pour moi, est un... c'est un préquel. Ouais, mais c'est pas tout à fait... C'est un espèce de préquel bizarre, parce qu'ils essayaient de faire Superman sans faire Superman. Enfin, c'était bizarre. Moi, j'aime bien... Oui, on oubliait que c'était Superman au bout de 5 saisons, quoi. Non. Alors j'avais envie de parler de l'auto-remake, je parlais avant l'émission avec Olam notamment de George A. Romero qui avait fait Zombie, donc c'était un film de zombie, vous l'aurez compris. Oh, Captain Obvious. Apprenez des choses chez vous. Hey. Et George A. Romero s'est dit quelques années plus tard, ah oui, bah tiens, mon film, on va peut-être le refaire parce que voilà. Donc ça c'est ce que j'appelle l'auto-remake, donc c'est un exercice de style aussi qu'on peut trouver. Il y a la version remastered en fait. Il n'y a pas des masses hein, que je pourrais... Pour citer personne en fait à part Roméo qui a fait de l'auto-remake. Je suis en train de regarder mes fiches. J'aime bien parce que Enel vient de laisser un gros blanc à l'antenne parce qu'il n'arrive pas à classer ses putains de fiches. Déjà tout à l'heure. Ouais mais je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Non mais si tu veux, je balance la musique et tu ranges tes fiches, tu vois. Genre tu fais petit atelier rangement. Il y a aussi un autre truc qui s'appelle le Remastered. J'ai dans ma collection, tu vas sans doute surkiffer Shonen, j'ai The Last of Us Remastered qui pour le coup rehausse uniquement comme qui rehausse les graphismes. Ouais, seulement les graphismes. Et c'est ça que je comprends pas. Pourquoi rehausser des graphismes comme une flopée de films qui revient en HD sans grand intérêt, Star Wars, Titanic, est-ce que vraiment en 3D même est-ce que vraiment ça a un intérêt? Bah alors c'est pas remasteriser des trucs déjà beaux. Tu me permets de rebondir sur une question, est-ce que justement ces remakes ou en tout cas tous ces synonymes ou tous ces exercices de style sont intéressants? C'est ce que j'ai dit quand ils ont à grande question. Quand ils ont annoncé le remake de ta gueule. Quand ils ont annoncé le portage des jeux Batman là. Ouais, je me suis dit donc maintenant on porte en HD des jeux qui sont déjà en HD. Parce que c'est ce qu'ils ont dit, ils ont annoncé Batman, HD, Si on prend le cas de Devil May Cry, donc DMC, Devil May Cry. Non mais ça c'est du foutage de gueule. Non, c'est génial ce jeu. Non. Et la question n'est pas de... Calme-toi et attends la suite. Ce jeu est génial. C'est la question qui s'est posée justement lors des tests sur le dernier Final Fantasy Type 0 HD. Le jeu a été très bien noté lors de sa sortie au Japon sur PSP. Mais le portage, ou le remake, ou le reboot, pour moi c'est plutôt un portage. Et super mal noté, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la merde. C'est fini à la pisse, leur portage. Ils ont pris leur jeu, ils l'ont... Rien n'a été fait. Ils l'ont foiré dans une disquette. C'est ton expression favorite, parce que c'est au moins la troisième fois fini à la pisse, oui. Je crois que tu es un fan de Mr. MV. Alors là, tu vois... Oui, mais c'est pas... Ça vient pas de là, je pense. Les jeux finis à la pisse. Non, mais je suis perdu. On était en train de parler... DMC, c'est ça. Le reboot de DMC sorti en 2000... 13. 13. Il était génial. J'ai jamais joué à Devil May Cry, mais franchement, ça me donne vraiment envie d'y jouer, quoi. Il était bon, hein. La saga est excellente, hein. Là, ça fait, quoi, du coup, ça fait 3 ans, dans 2-3 ans, qu'ils sont, enfin, ils sont libres, quoi. En parallèle, ils travaillent sur DMC 4, HD. Oui. Ça, c'est bien. Ouais. Mais ils font DMC Definitive Edition, qui rajoute un mode de jeu, des personnages, les DLC, et un mode 60 FPS. C'est de la merde. Non, c'est bien parce que en 3 ans rajouter ça. Mais il y a des mecs qui font ça en 2 mois. En fait, c'est l'équivalent d'une de toute façon, ça le porte très bien dans le titre, c'est une Definitive Edition. Donc oui, en fait, c'est juste que c'est plus cool parce que ça te permet d'avoir le jeu au vrai prix. Sauf que sauf qu'elle sera vendue à 40 euros. Pour toi, Shonen, on parlait de Mortal Kombat 10 tout à l'heure, il va sortir donc en avril. Et écoute, si vous voulez tous les personnages, le 14 avril. Oui, voilà. Si vous voulez tous les personnages, au final ça vous coûte 100 euros. Moi, je pense que pour de toute façon pour les jeux de combat, ma politique c'est de ne pas les acheter le jour même et d'attendre la Ultra Supra Arcade Edition. C'est pour ça que je n'ai toujours pas Street Fighter chez moi parce que tu vas pouvoir bientôt. Hein, j'aime trop Olam tout seul qui a l'air de déprimer. Non, de se faire je déprime pas. Je comprends pas. Ton avis, je suis juste un peu perdu. C'est l'invité. Voilà. Là, on a un avis plutôt négatif sur l'intérêt du remake en règle générale. Toi, Olam, est-ce que ça te semble... Non, c'est pas forcément un avis... Putain, Shonen qui bat ton gros père. Qui commence à parler, je suis désolé. Il est 4h. Vous savez qu'on est tellement passionnant que la fille de la régie... Dormir la nuit. On est tellement passionnant que la fille de la régie était sur son téléphone en train de regarder Facebook et que même devant ça, elle baillait. Moi-même, je suis sur Facebook pendant ma propre émission, tu vois. Putain, mais mec, un peu d'investissement. Ça m'intéresse. Vas-y, Olam, reprends la parole. Qu'est-ce que je dis? Ouais, par rapport au remake... C'est dur de donner un avis totalement négatif ou totalement positif, hein. Ça dépend vraiment de ce qu'en fait le réalisateur. Par rapport, par exemple, les auto remakes, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut donner quelque chose de très bon, comme on a parlé de zombies. Après les éditions remasterisées, c'est vrai que souvent on peut se poser la question de ce que ça vient juste pour besoin d'argent, je sais pas. Ça c'est une question. Mais ça doit marcher en plus. Vu le nombre qu'il y en a, ça doit marcher. De toute façon, on l'a déjà vu dans les émissions précédentes, l'industrie du jeu vidéo, c'est quand même le prendre pour des grosses vaches à lait. Ça doit marcher. Avec des DLC qui sont extra payantes et qui deviennent gratos. L'explication, je pense, c'est, elle est somme toute très simple. On commence à faire beaucoup plus de jeux AAA qui demandent énormément d'investissement. Et pour un éditeur, quoi de plus simple que de relancer une édition HD d'un de ses précédents jeux? Regarde Konami qui se sépare de Kojima juste parce qu'il met trop de temps à faire ses jeux. Alors que pour moi, c'est normal. Ouais, mais ils font pas de remake chez Konami. Oui, non, mais c'était juste pour dire qu'ils en ont marre du temps que ça prend. Pardon, j'ai dit une bêtise. On a eu les MGS 2 et 3. On a eu des collections de MGS que j'ai bien aimé faire. MGS 2, 3 et Peace Walker. Vu que je n'ai jamais joué à Metal Gear. Alors MGS... Là, pour le coup, est-ce que toi, ça t'intéresse comme collection? Oui, voilà, ça m'intéresse. On parle de collection, là, pour le coup. C'est pas un seul titre. Ce que veut dire MGS. MGS, c'est Metal Gear Solid. D'accord, voilà. Non, mais pour les néophiles, pour toi, Olam, qui ne sait pas, je crois. Je sais ce qu'est Metal Gear Solid. Le gars approche de l'heure d'émission, il va falloir conclure. Metal Gear Solid Collection, ça m'intéresse parce que je ne les ai pas fait. Comme Silent Hill Collection m'intéresserait si je ne les avais pas fait. Alors, Shonen, je te propose d'aller te tirer une balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il a raté Metal Gear Solid. Oui, je sais. Bah, chaque chose, oui. J'ai raté plein de choses dans ma vie. Mes études? Non, mais, par exemple. On enchaîne ou? Non, on va continuer parce que c'est le débat, donc après, a priori, c'est censé être le gros de ce titre. Donc, en fait, avoir un remake, solo. Ok. Avoir un remake, donc un jeu tout seul, c'est pas intéressant. Mais avoir une collection, ça vous intéresse plus? Ça dépend. Si le jeu original est très vieux. Genre un Beyond Good and Evil en HD aujourd'hui, ça m'intéresserait. Ça permet aussi à une nouvelle génération de s'intéresser au jeu. Voilà. Et là, on peut comprendre l'intérêt du remake. Honnêtement, s'ils sortaient une recollection de Bob l'éponge, on s'en fout. On parle de vrais jeux. Justement, c'est très intéressant ce que tu dis, Protopoulpe, Bob l'éponge. C'est très intéressant. Il est dans ses domaines, donc là, attention. Vous allez voir. C'est très intéressant parce que pour un éditeur, un poisson dans l'eau. Puisque je parlais tout à l'heure des éditeurs qui ressortaient des versions HD ou collections pour refaire des thunes assez facilement, ça peut permettre aussi à un éditeur de tester la popularité de ses titres. Bon, je ne sortirai pas. Comment ça? Bande de bâtards, personne n'écoute. Si, moi je t'écoute, mais... Moi je t'écoute. Ça permet à un éditeur de tester la popularité de ses titres. Mais pourquoi? La popularité. Comment ça, pourquoi? Ah, genre, si genre DMC Definitive Edition marche pas, ils feront pas un DMC 2. Avant un petit bout de temps. Je pense que ça peut être une technique, c'est risqué, une approche. Quand même, hein. C'est risqué parce que se baser sur ça, c'est. Oui et non. Voilà, ce reboot, ce remake. C'est juste que les gens ils s'en foutaient, quoi, alors que la série est très bonne. Exactement. Alors qu'ils auraient voulu plutôt de la nouveauté. Ouais, The Last of Us Remastered. The Last of Us Remastered, il est très bon. Et The Last of Us tout court, il est très bon. Remastered, il apporte rien. Alors pour le coup, moi je n'ai pas acheté la première version parce que ma PS3 est morte entre temps. Et du coup, j'ai foncé sur la version remastered de The Last of Us. Remastered, on dit. C'est ça, en gros, t'as une PS4 et pas de PS3, tu prends Remastered. Sauf que n'importe qui peut avoir une PS3 aujourd'hui. J'aime bien parce que ça coûte moins de 100€ à peu près. Rebel. Comment? Remastered, tout le monde le prononce bien sauf toi. Mais je t'emmerde. Remastered. Donc, ouais. Mais c'est pas articulé. Ça coûte quoi? Si on prend une Xbox, une 360 ou alors une PS3, c'est moins de 100€ maintenant. Facilement. Oui, je dirais à peu près. Donc, ouais, ça peut être assez intéressant. Mais moi, par exemple, si j'étais possesseur de PS3 et que je veux passer à la One, ça peut être intéressant. Putain, j'ai loupé les Gears of War, merde, j'ai loupé Alan Wake, j'ai loupé qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exclu. Tu me captes. Enel, je peux faire une petite remarque? Oui, vas-y. En fait, à chaque émission, tu racontes ta vie. Mais il a raison. Bah ouais. En même temps, c'est un peu libre antenne, il est pizza bière cette émission, je crois. Oui, d'ailleurs, moi j'ai pas fini la mienne. Donc je vais couper mon micro juste le temps de finir. T'es sérieux? À chaque émission, tu nous l'as pourri, Mister. Renverse pas juste sur la table de mix. Je suis censé être le sniper, donc celui qui fout la merde, donc c'est mon rôle, hein. Mais là, maintenant, vous ne faites même plus... Sans boire ta bière, on va pouvoir avancer peut-être dans le débat. Plus calmement, plus sereinement. Mais toi et moi. Je te rappelle que t'as bu autant que moi avant l'émission. Hein. C'est faux. Non, j'ai acheté ta bière, donc je sais. Il y en a qui supportent avec mes sous. J'ai acheté ta bière, mais avec mes sous. Tu es sous, du coup? Non, je ne suis pas sous. Je joue sur les mots, c'est pas drôle, mais bon. On en était où? Là, j'avais envie de parler... vu que on parlait de Beyond Good and Evil... Shonen, tu disais que c'était un jeu qui était extrêmement en tout cas que les joueurs apprécient énormément. Ouais, mais qui est vieux. Mais qui est vieux. Du coup, l'intérêt du remake, en fait, quand est-ce qu'il apparaît? Comme par exemple Half-Life 2, qui a eu des graphismes soignés la semaine dernière avec un pack de mode officiel qui est devenu officiel. C'est un mode fait par des fans, qui est devenu finalement officiel par Valve, et ça me donnerait plus envie d'y jouer parce que j'avais essayé Half-Life et j'ai pas réussi. C'était trop vieux pour moi. En plus des graphismes, les mécaniques aussi sont... C'est un jeu qui est ultra rigide. Oui, à l'époque, c'était waouh. Maintenant, le jeu, c'est... Donc là, pour le coup, ça serait intéressant de porter un jeu. En plus, Half-Life est sorti quoi? Que les gens ont en mémoire, mais qu'ils ne peuvent pas rejouer. Par exemple, Rayman 1, le tout premier, tout le monde l'adore. Les gens, ils peuvent pas y rejouer. Moi, je peux. Enfin, sur émulation. Sur émulation, quoi. Un masochisme. Tu veux dire André, 56 ans, père de deux enfants, il aimerait bien rejouer à Rayman qu'il avait eu pendant qu'il était gosse et il peut pas. Enfin, à moins qu'il retrouve une PS1 dans une brocante. Oui, c'est vrai aussi. Ça permet de rebondir aussi sur ce que fait Sony sur le PlayStation Network. Il propose énormément de jeux en démat, en dématérialisé. C'est très bien. Donc vous allez sur leur vitrine qui est en ligne. Et vous pourrez récupérer pour une poignée de pesos Rayman 1 pour le coup et tout un tas d'autres jeux. Fatal Fantasy 7 que j'ai fait sur la PSP Go, si certains s'en souviennent. Oh mon Dieu, tu avais une PSP Go. Oui. Cette chose. Ça ressemble à rien. Aujourd'hui, je pense que je peux le dire, je l'ai eu gratos. Et c'était nul. C'était nul à chier, mais j'ai pu jouer à Final Fantasy 7 dessus. Cool. Merci. On s'en fout. Allez. Tu parles de Rayman qui est sorti courant des années 90, 95 dans ces eaux-là. Half-Life c'est fin 90, donc c'est début 2000 à peu près. Combien de temps il faut attendre pour avoir un remake? Combien de temps ça te semble, est-ce que ça vous semble pour avoir un remake en fait, tout simplement? Je pense que le juste... DMC, on est en 2015, le jeu est sorti en 2013, donc ça fait 2 ans. The Last of Us, c'est à peu près la même chose. Alerte invité. En fait, je parlerai tant que vous m'arrêtez. C'est au moment. Mais parle, Protopou, tout ça aussi, c'est la vie. Les spectateurs me font une petite remarque qui est drôle, c'est que, ils me demandent si on a le droit de parler comme ça à la radio, mais il faut préciser qu'on n'est pas sur une radio. En fait, c'est du, dans la radio, on s'en bat les couilles, hein. Ouais, voilà, on s'en tape, mais vraiment. C'est ça qui est bon. C'est pour ça que tu aurais déjà gerté depuis quelques temps. Comment ça, j'aurais gerté? Les blagues sont très intéressantes. Elles ajoutent du peps à l'émission. Je sais que j'ai déjà dit, mais j'aime bien. Tu rythmes cette émission, hein, Protopoule. Ouais. Oui, merci. J'aime qu'on flatte. Avec tes tentacules. Et avec mes petites chansons. Voilà. À la fin de chaque rubrique, vous aurez une chanson faite par Protopoulpe. Oui. Faudra juste que je me prépare parce que si Karaoke je fais, time. Si je fais comme pour la Reine des Neiges, que je ne connais pas les, la chanson et que je suis totalement faux à côté. Ah, on aime bien l'impro ici. Alors, tiens, c'est bizarre, cette émission, t'as pas sorti le mot homemade. Ah, j'y pensais non, parce justement. Que... J'étais à dire, ça rajoute le côté homemade. Vous aurez remarqué, je fais des efforts sur l'articulation, ce qui n'était pas le cas lors de la première oui, émission. Oui, mais alors, par contre, la prononciation était toujours à l'ouest. Hein. Ouais, bah, excuse-moi de ne pas être bilingue anglophone. Mais même en français. Oui, là aussi, mais c'est parce que je suis pas natif de ce pays. Ah oui, on va te reconduire à la frontière alors. On va ouais, commencer. Bientôt. Tel un immigré dans Paper Please. On enchaîne. On a répondu. Alors je check en plus mes questions. On a répondu. Pourquoi faire des remakes? Pourquoi faire des remakes? On a essayé de répondre. Personne n'a la réponse. Ouais, bah oui. Parce que quand t'es vieux et que tu veux redécouvrir des vieux jeux, c'est toujours sympa. Surtout parce que voilà. Ou les jeunes qui veulent découvrir, qui. Oui, pour faire découvrir à d'autres générations. Voilà, exactement, qui connaissent les jeux mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'y jouer. Et si on posait la question à nos spectateurs qui ne veulent pas parler en radio mais on va les forcer, ça vous dit? Oui. Mais allez. Si t'arrives à les traîner jusqu'au alors, bout, on veut bien. Mister Costello, veuillez vous approcher du micro s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu penses donc des remakes et reboots, etc. C'est bien. Approche-toi, espèce de. C'est très bien. Très très bien. Enfin moi j'adore les remakes, les reboots, etc. Enfin bon, ça permet de redécouvrir aux plus petits d'entre nous les jeux, ouais les jeux cultes, ouais. Tu as un exemple en tête? Pokémon. Bah, pas forcément Pokémon. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des MGS, y a pas de remake de Pokémon. Si. Et autres. Attention. Rousseau et Verfeuille, ainsi que or. Ruby. Alors, ça on pourra en parler. Alpha et même Ruby. Ruby et Saphir Alpha et Ruby Omega. Ah ouais, on pourra en parler ça. Qui sont d'excellents remakes pour moi. Ouais. Mais alors merci Mister Costello. Est-ce que la fille de la régie, on va l'obliger à parler, mais même si elle me dit c'est mort. Allez. Tu as monté ton micro pour montrer que tu... Fort, je vais monter le micro pour essayer... Non, c'est pas la... Il se passe des choses cheloues à la régie. Faites pas la régie. Alors, la fille de la régie, il faut que vous parliez. On en a entendu parler de la fille de la régie. Allez. Mon dieu, cet épisode. Mais elle veut pas parler, c'est trop mignon, elle rougit. Tu sais qu'à la radio, on ne te voit pas. C'est ça qui est beau. C'est la magie. Juste ta voix. Allez, on parle. On peut faire des doigts de agression. Ah bah dis-le. Enregistré, Mr. Poole. Parce que là, on t'entend pas. Allez, parle. Bon bah elle veut pas. Et vu qu'on peut pas la violer en antenne, et ben dommage. Ok. On enchaîne. Il y a aussi un exemple de remake qui me percute moi en Final Fantasy. Ah, tout le monde adore Final Fantasy, je crois. Oui. Ce sont les rois. Je crois que ce sont les rois avec Capcom de la réédition, du remake, du reboot, de tout ce que vous voulez au niveau des jeux. Ah bon. Non, peut-être pas reboot. Je prends l'exemple de Final Fantasy 1 et 2. Est-ce que vous avez une idée de combien de supports le jeu est sorti? Ah oui, sur support. Bah oui forcément. Non mais quand je pense à Capcom, je pense à Street Fighter, Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, Arcade alors, Street si Fighter. Alors si tu prends Castlevania, chez Capcom, je crois Street que c'est... non, c'est Konami, Castlevania. On change de firme. Castlevania est sorti si on prend Symphony of the Night, il a dû sortir sur PS1, il est ressorti sur console portable, sur PSP notamment. Enfin et tout qui en sort. Arrête de bailler. Est-ce que ça justement le fait de pouvoir proposer aux nouvelles générations ces jeux ou de les redécouvrir, c'est pas un abus justement du remake? Bah sur iOS. Jusqu'où non. Est-ce qu'on peut aller avec le remake? J'avais joué à Final Fantasy 1 sur iOS et je trouvais ça cool. Je préfère jouer à ça, enfin maintenant il va tellement mieux sur portable, c'est tellement vieux, tellement petit que sur gros sur ta enfin jouer à Final Fantasy 1 sur ta télé, c'est vraiment ridicule un peu quoi. Ça te boule un peu les yeux. Bah c'est quand on a un remake qui est justifié comme justement pour faire découvrir redécouvrir le jeu à une nouvelle génération, pas du tout, je pense pas qu'on puisse parler d'abus. Après lorsqu'il faut se poser la question, c'est quand on a un remake qui est fait quelques années après, ouais, qui est pas justifié après, par un changement de génération. On peut parler par exemple de Spider-Man au cinéma qui a rebooté 2 ans, 3 ans. Enfin, le reboot reste quand même différent du remake parce que la volonté du reboot, c'est de tout remettre à zéro encore une fois. Alors que le remake, c'est vraiment porter un peu le même truc. Je trouve ça un peu, je sais pas moi, c'est un peu un abus. Je trouve pas ça bien comme abus, bug. Spider cochon dans. Non, je n'aime pas trop ce bug. Protopoulpe, toi, est-ce que trop de remake tue le remake? Bah, pour Spider-Man, je trouve parce que. Franchement, on a déjà eu deux fois des origines de Spider-Man. Pas que pour Spider-Man. Oui, mais c'est vrai que c'est faire trop focalisé façon... sur. Mais Spider-Man, c'est un peu obligé. Mais non. C'est pour rejoindre une autre firme, quoi. Honnêtement, t'as pas besoin de faire un reboot sur les origines de Spider-Man. Tout le monde les connaît. Oui. Oh là là, il s'est fait mort par une araignée, son oncle est mort et du coup il devient Spider-Man. Surtout qu'ils annonçaient que ce serait Peter Parker. Voilà, et enfin, pas Miles Morales. Un reboot par exemple pour Batman, ça a été très intéressant Batman. Pour moi. Ce qu'on passe quand même dans... Non, justement, ce Batman... Attends, au ciné? Oui, au ciné, pardon. Oui. Alors, pour le préciser. La trilogie Nolan était excellente, mais alors ce qui est intéressant, c'est sur les prochains, pour les prochains films, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont introduire Batman. En vieux. En vieux, oui, d'accord, mais c'est surtout qu'ils vont pas faire un film Batman, en fait. Ils vont parler de lui à travers différents films, comme dans Suicide Squad. Mais là, on sort un peu du remake, du coup. Oui, alors, parlons des films qu'ont été faits dans le passé sur les Batman. Parce que, par exemple, les Batman de Tim Burton. Ils étaient très bons, mais pour l'époque, je suis pas très fan. Hein. C'est complètement, mais à l'époque, c'était noir. C'est complètement différent de ceux de Christopher Nolan. À l'époque, c'était le super-héros noir. Que chaque série, que le reboot de Christopher Nolan a aussi un intérêt. C'est là aussi où on Mister voit Costello que a quelque un chose reboot à dire. Peut avoir un grand intérêt. Moi, oui, les Batman de Tim Burton, je les trouve beaucoup moins intéressants de mon point de vue que ceux de Christopher Nolan. Ça, c'est l'époque. C'est bien pour ça que ça. C'est l'époque. Que ça marche bien. Pourquoi tu les trouves moins intéressants? Alors, tout simplement pour le ton du film, l'ambiance. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance. C'est très cheap. Mister Costello a quelque chose à dire. C'est vraiment le. Exactement. La parole au spectateur. Le ton dark de Christopher Nolan, ça, le personnage de Batman, ça lui collait vraiment très très bien. The Dark Knight. Ouais, non, j'avais quelque chose à dire, justement, en termes de remake ou de reboot, je pense aussi aux 4 fantastiques. Ah oui! Ah, c'est à L'éternel recommencement. Ouais, on a quand même des super spectateurs. Enfin, un super spectateur parce que l'autre. Qu'est-ce qu'ils se font chier depuis le début? Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur les 4 fantastiques? Non, enfin, pour tout dire. À part que c'est de la merde. J'ai pas vu les deux premiers 4 fantastiques, mais je pense quand même. T'as bien fait. Histoire de faire un remake, bon. Des 4 fantastiques, je sais pas quoi. Surtout qu'il y a pas de justification. Non, ça serait bien. La torche en blague. Est-ce qu'il vaudrait mieux plutôt pas aussi, plus. Non, c'est la chose. La chose. La chose sera black. Non, c'est pas la chose. C'est la torche. C'est la torche humaine qui sera black. Alors qu'il est frère avec Susan Storm. Je peux faire une parenthèse. Vous vous souvenez que sur la première émission, on avait parlé des roues qui portaient plainte contre Apple? Oui. Eh bien, la fille de la régie, c'est Tintin Rousse. Elle fait partie de cette Alors on peut pas parler de sa life, de ses anecdotes, Non mais justement c'est drôle parce qu'on peut du coup leur demander leur avis. Puisque Mr. Collins. Oui, justement aussi. Si on a. Alors, ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Alors je vous rappelle la news, c'est que Apple a fait des émoticônes pour toutes les catégories de personnes. Ça va être la news qui est impérissable. Mais aussi aux homosexuels. Alors oui, ils ont fait des émoticônes pour les homosexuels. Il y a des émoticônes pour les roues. Mais pas, non, justement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour les roues. Du coup, comment ils ont représenté les homosexuels? Alors, ça, c'est la question. On l'a pas trouvé. D'ailleurs, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé, hein. On l'a cherché aussi. Ils l'ont caché. Oui, on n'a pas cherché parce que. Le truc du site Action, là, autour du doigt. Personne ne s'en sert. Le ruban. Mais en fait. Oui, on se demandait pourquoi pas les. Bref. Il reste juste les roues à représenter, et donc du coup on va demander aux roues qui sont sur notre plateau s'ils veulent pas dire quelque chose. Alors la fille de la régie va me taper, je pense, mais ça risque d'être très drôle. Mon dieu. Mais... Rappelez que c'est diffusé allez, dans toute la France. Allez, tape-moi à l'antenne. Oh oui, vas-y. Aïe. Bon bref. On découvre une tendance. On va faire un reportage, on va faire une émission en plein salon du salon de l'érotisme. Oh, surtout en pleine régie. Ça serait très drôle. En pleine régie, ouais. En plus, je suis un peu... Ah, les gars, je suis un peu... C'est le salon de l'érotisme. Un duplex avec Protopoulpe. Salon de l'érotisme. Ça peut être très sympa. Mais du coup, on va faire parler Monsieur Costello, qui est un roux caché, on va dire. Qu'est-ce qu'il pense du fait que les roues étaient oubliées par Apple? Bah, je sais pas, déjà, attends, est-ce qu'il propose déjà, pour que ça soit les couleurs de peau, jaune, noir, blanc? Oui. Tout sauf les roues. Même les mains. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre des poils roux sur les mains et tout. Non, justement, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas les roues. Ah oui, d'accord. Et du coup, la question qu'on s'était tous posée, c'est comment tu fais pour distinguer un roux avec une main? Et oui. Et toi, t'avais dit qu'on pouvait. Mais les homosexuels, putain. J'ai dit qu'on pouvait mettre des points de. De rousseur. Ouais, des points de taches de rousseur. T'as fait un mix avec des points de beauté. Des touffes de poils roux. Dans la main, c'est super bon. Dans la main. Si le mec est un bûcheron. Mais du coup, c'est discriminant pour ceux qui sont pas bûcherons. Enfin bref, tu peux aller très loin comme ça. Oh oui, très bien. L'année prochaine. Mais du coup, pour revenir, parce que on s'est vachement éparpillé, merci pour Autopoulpe de casser l'ordre de mes questions. Pas que les questions d'ailleurs. Tour de table. Alors on parle beaucoup de Kickstarter en ce moment, parce que c'est un peu la plateforme de financement participatif. Il y a pas que ça. Il y a plusieurs. Il y a Ulule, Indiegogo, Kiss Kiss Bang Bang, il y en a plein. Kiss Kiss Bang Bang. Bank, je crois. Bank. Il y a Toy and Earl, par exemple, qui était une vieille série de jeux qui était disponible sur Mega Drive et qui dont les joueurs souhaitaient une suite. On sort un peu du remake, mais ils reprennent énormément les bases. C'est pas drôle, hein. Bah, du coup, t'arrêtes pas de me déconcentrer, bordel de merde. Mais en fait, c'est notre spectateur qui voulait faire une vanne. Mais je l'ai dit tout à l'heure, déjà. Mais oui, mais voilà, mais. Toi, on t'entend pas? Gangbang. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais toi, on t'entend pas. Parce que moi, ouais, mais je veux pas qu'on m'entende. Ah ouais, parce que t'assumes pas. Ouais. Espèce de lâche. Moi, j'ai chanté la Reine des Neiges en direct. J'ai assumé. Ouais, à moitié. Bon. Ouais, ouais. À moitié. Comme la promo, à moitié, hein. À moitié. Non, la promo, je l'ai bien faite, je trouve. Bon, on fait un tour de table ou... Non, parce que j'avais pas terminé mon débat. Tu as besoin de partir. Bah en fait, c'est pas ça. C'est... Parce que je veux bien continuer l'idée sur les remakes. Du coup, c'était très marrant, Shonen, quand tu me parlais de ton pote tout à l'heure, l'anecdote, qui n'avait que des HD collections avec lui. Ouais, c'était pas un pote, mais... Est-ce que avoir... Bon, ok, le type que j'avais vu en photo, ouais. Pardon. Est-ce que le fait de ne pas avoir autant de remakes, ça ne va pas à... amener la fin des licences, en tout cas des nouvelles licences. C'est absolument rien. Je pense que personne n'en sait rien. Bah, tu veux dire que à réutiliser les licences comme je veux dire par là que ça empêcherait les tirer sur la corde. Les éditeurs, à force de proposer des vieux jeux réadaptés entre guillemets. Est-ce que ça va pas les amener à ne plus rien faire en fait de nouveau? Ouais, et du coup non. Tu rentres dans un cycle genre, où tu fais que reproduire la même chose. Hein. On peut pas arriver à quelque chose comme ça. Genre c'est une pas fois possible, on pourrait avoir une semaine où t'as que des jeux qui sortent auxquels t'as déjà joué quoi. Genre par exemple cette semaine Borderlands Awesome Edition j'y ai déjà joué, Dark Souls 2 j'y ai déjà joué, State of Decay j'y ai déjà joué. Dark Souls 2 c'est bien. Il me reste que Mortal Kombat. Le problème, c'est pas de savoir si c'est, enfin si ça peut être, est-ce que c'est bien ou pas, mais. Au bout d'un moment, est-ce que c'est pas un peu de lourd, quoi, aussi, d'avoir les mêmes jeux qui sortent? Mortal Kombat, entre le 2 et le 10 qui va sortir, il y a quand même beaucoup de différences, hein. Non. Oui, mais là, on propose pas Mortal Kombat 2 HD. Non, oui, c'est vrai. Ça, c'est, peut-être tu parles de suite. Là, on parle de remake depuis le début. Ça se verrait pas. Qui suit pas l'émission, là, aujourd'hui? À ce moment-là, parlez pas de Mortal Kombat comme exemple, parce que c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que Mortal Kombat, c'est un nouveau jeu. C'était pas un HD. Mais c'est toi qui parles de Mortal Kombat. Non, c'est Shonen. Non, c'est toi. Y a que toi qui a non, de la non, non, non. Je parlais, enfin, en gros, il y a que des remakes et des HD qui sortent la semaine prochaine, enfin, dans les jours à venir. Mortal et il y a que Mortal Kombat, en gros, qui pourrait m'intéresser, ouais. Parce que les autres, j'ai déjà joué. Quoique, Mortal Kombat 9, on peut dire que c'est un remake. Oui, mais c'est pas le 9 qui sort, c'est le 10. Et le 10, c'est un reboot ou pas? Non, c'est un nouveau jeu. Non. Non, c'est un nouveau jeu, certes, mais est-ce que c'est pas un reboot? C'est une suite? Non, c'est une suite. D'accord. Une suite de comment on peut parler de suite dans les Mortal Kombat? Parce qu'en Kombat. Fait, dans les Mortal Kombat, il y a un mode histoire. Et que du coup, wow. Oui, il y a un mode histoire. Wow, mais... Bravo. Tu nous as appris quelque chose. Si vous saviez pas, dans les jeux de baston, il y a des modes, histoire. Ouais. Le saviez-vous? C'est le petit point culture. Exclu. Voilà. Non, mais du coup, oui. Enfin, franchement, les remakes HD, etc., c'est en train de tuer les franchises quand vous voyez. Les Zelda, ils ont essayé de ne pas faire de remake, etc. Attention, tu touches au Graal. Mais justement. Ah oui, parce qu'ils en font pas. Le truc, c'est qu'ils en font pas, et du coup, sur leur truc, sur leur jeu, soit ils se foirent, soit ils réussissent vraiment bien. Ocarina of Time et Majora's Mask. Oui, ils sont de très bons remakes. Oui, mais c'est Portage, pas. Portage, non. Mais disons que c'est des. Enfin, non, c'est non, pas... non, c'est un remake parce que le jeu est refait, en fait, de zéro. D'accord. Justement, et c'est pas les rééditions HD. J'ai rien appris de Batman. Mais non, parce qu'il y a des ajouts en plus de donjons à chaque fois, donc il y a un réel atout. Ouais, oui, n'est-ce pas? Et du coup, c'est pour ça que il y a des vrais, entre guillemets, les vraies licences, qui du coup s'en sortent bien, et il y a aussi les licences qui essayent vraiment de faire de la thune à tout prix, et du coup qui sont en train de se flinguer. De la même manière, vu que tu parles de Nintendo, Protopool, tu me permets de rebondir, Nintendo a toujours mis en avant les portages. C'est-à-dire que sur la Game Boy Advance, j'ai un très bon souvenir de la gamme collection NES, qui sont, mais brutes, les jeux bruts des versions NES portées sur Game Boy Advance. Et c'est la même chose sur le Nintendo WiiWare, etc., sur l'eShop. Donc Nintendo fait un peu tout, et c'est ça qui est assez impressionnant, et ça marche beaucoup. Les gens vont et achètent. Ouais, mais les jeux sont pas proposés à des prix abusifs non plus. En tout cas, abusifs, tout est relatif encore, mais... Oui, parce qu'on peut abuser de beaucoup de personnes. C'est pas la même chose. On peut abuser une personne 1000 fois. On ne peut pas abuser de 1000 personnes. Oh si, on peut. Très bien, très... Merci. Et vous me verrez bientôt dans Fait Entrer l'Accusé. Je n'ai plus trop de questions. Donc on peut enchaîner alors. Non, bah, j'aimerais bien votre avis alors. Bah oui, on va enchaîner. Bah, on peut avoir notre avis en tour de table. Ouais, on va faire un tour de table, on va faire le tour de table général. Tour de table sur le débat, le remake, pour ou contre, bien, pas bien. Pas bien, pas bien. Qui commence? Bah commence, vas-y. Bah moi je veux bien en parler. Du coup ça va amener le débat un peu plus loin, vu que chacun va apporter un peu de réflexion. Rapidos. Moi je trouve ça cool quand t'as loupé des jeux, donc je crache pas totalement dessus, mais je trouve ça vachement abusif quand même d'avoir en l'espace de 2 ans des jeux qui reviennent sans réel atout, si ce n'est un DLC en plus. Donc c'est chouette pour rattraper. Au-delà de ça, le remake, on peut avoir quand même de belles surprises quand on parle de reboot, notamment avec Tomb Raider. Donc je suis pas totalement fermé, mais je regarde ça quand même d'un assez mauvais œil. Sachant que on parle quand même beaucoup des consoles, parce que sur PC, bah une fois que ton jeu est acheté, bah il est là et tu peux y jouer X années après. Bah oui, il est là. Il y a pas beaucoup de remakes, mais il y a des. Tu veux ? Comment on pourrait appeler derrière les éditions ? C'est-à-dire ? Parce que Definitive Edition, Gold Edition. Pour moi, c'est une version. On peut parler si on vulgarise. Je pense qu'on peut dire version plus. Ouais. Parce que j'ai vu d'ailleurs que Resident Evil 5 Gold Edition est sorti sur Steam hier. Comme ça, il a popé. Cool. C'est même pas des. C'est pour moi, ce sont plus des portages. Même pas en fait. Et vendu à 20€. Il y a rien de nouveau. Alors que si t'achètes le jeu et les DLC. Et les DLC quoi. Ça te revient à peu près au même prix. Ouais. Ce qui fait que tu te fais arnaquer. Tu fais en tube. Mais c'est ouais. Capcom, ils sont forts pour ça. Ah oui. Olam, vas-y. Les spectateurs ont déserté la régie. Ils ont peur de moi, je crois. Très simplement, si le remake a un intérêt. C'est-à-dire porter à une nouvelle génération. Là, c'est une bonne chose, mais faut pas que ça soit le moteur de plutôt le leitmotiv principal, voilà, des éditeurs pour trouver l'argent, pour trouver les. Oui, ça peut être un souffle, mais voilà. Sachant que si on regarde de plus près, ce sont souvent des éditeurs tiers qui font des adaptations de jeux. Donc c'est pas l'équipe même, en général c'est les petits trucs à côté qui proposent des adaptations et autres. Pour permettre aux grandes équipes s'occuper sur le jeu principal. Comme les, alors mince, j'ai pas le nom, ceux qui font les point and click. Telltale. Bon bah ouais, c'est de ça que tu parles. Non, pas spécialement. Je prends l'exemple sur God of War par exemple, encore une fois. T'as l'équipe de base, donc c'est Santa Monica je crois qui fait ça. Je veux dire une grosse connerie. Voilà, God of War, jamais joué. Tu as l'équipe principale, qui bosse sur les God of War, donc le 1, le 2, comme le 3. Silent Hill. Et tu as l'équipe qui s'occupe, une équipe à côté qui s'est occupée du portage sur, en tout cas de la version d'accord. HD. Mais ça reste de... Non, c'est une autre équipe. C'est une autre équipe qui s'occupe de faire les versions HD. C'est un studio qui n'a rien à voir. On leur donne juste les droits de faire ça. Sous traitance, en gros. Quoi. C'est ça. C'est ça. D'accord. Bah, écoutez, ça dépend aussi si ça reste lié à l'éditeur. Au final, si encore un lien, ça revient un peu au même, quoi. Protopoulpe, pour terminer, ton avis sur le remake, bien, pas bien? Je pense que c'est pas une bonne idée de rééditer des jeux. Constructif. Je vais pas que faire des blagues de cul non plus. Hein. J'en ai pas fait beaucoup sur cette émission, vous remarquerez. Je remarque. Il y a du mieux. En fait, c'est la Reine des Neiges qui m'a déprimé. Alors, sur le remake, je trouve que c'est pas une bonne idée de ressortir le jeu brut, mais juste en qualité supérieure de graphisme. Parce que moi, je joue pas un jeu pour la qualité supérieure. Quand j'ai retrouvé mes Pokémon vieux d'il y a 10 ans, j'ai kiffé, alors que pourtant, ils sont pas en ultra HD... super cool. Enfin, Pokémon, si je peux me permettre cette digression, Pokémon... Digression. Le jeu, en fait, ne se repose pas sur ses graphismes. C'est justement. Pas... Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça marche que pour les jeux qui sont basés sur les graphismes, et de base, un jeu basé sur ses graphismes, c'est de la merde. Oh, c'est beau, pour voilà. Terminer ce débat. Allez, on enchaîne. C'est la fin de cette émission, je crois qu'on est à combien d'heures d'enregistrement ? On est à 1h20. Oh, cool. Ah, c'est beaucoup trop. Je vais péter le record. Il y en a qui vont skipper, je pense, plus, notamment... La post-prod, ça va cut. Un peu comme la fille de la régie qui s'est fait chier un petit peu tout le long. On va cut toutes les agressions de Protopoulpe. On va sur... cut Protopoulpe. Protopoulpe qui est un poulpe agressif. Hein. En fait... en fait, t'es pas un poulpe, t'es un kraken. Oui, j'ai des très longues tentacules. Non, mais faudrait vraiment filmer parce que là, j'ai failli me faire étrangler par la fille d'allergie que j'arrête pas de nommer depuis tout à l'heure. L'avis sur cette émission, sur nos auditeurs en direct. Alors, je vais pas passer le micro à la fille parce qu'elle a voulu déserter tout à l'heure en menaçant de. Donc tu es si si je veux passer le micro, donc du coup, mais peut-être que monsieur Costello va vouloir s'exprimer sur notre émission. Est-ce que vous sur votre émission, le mec quand il se désinclut, non, mais c'est il se désolé. Moi je vais vous expliquer, je suis celui qui fout la merde. D'accord. On a remarqué. Ah, et ça. Je ne donne qu'une news, c'est Flash. Je vous ai sauvé sur l'exclutor parce que Loki n'est pas là. On donne un gage à Mister Protopoulpe la semaine prochaine s'il nous parle encore de Flash ou des roues. En fait, ce sont des news qui sont impérissables. Moi, j'ai envie de dire qu'il était plus là pour le karaoké que pour sa news de Flash. Hein. Non, en fait, je suis là pour faire des vannes et pour faire chier NL. Il y avait pas un karaoké Pokémon ? Oh, si, mais ce sera pour la prochaine émission. Ouais, je le sens bien. La prochaine émission, je m'entraînerai un petit peu, tu vas voir, je vais voir. Ah, le rock Pokémon à la fin de... Ouais! Ah oui, rondoudou, tout ça. Non, ouais. non, pas à la fin. Le jingle. Ah oui, ouais, ouais, ouais, je pense qu'on va prendre le truc à la fin de l'épisode, ça va être bien. Je fais un petit peu de chanter. Ah si, tu vas voir. Je te montrerai. Protopoulpe, ton avis sur cette émission? Alors moi, j'ai trouvé que c'était drôle, mais malheureusement, je me suis un peu trop restreint sur les vannes. Du coup, il y a des moments où on se faisait chier. C'était génial. C'est le meilleur épisode de toute ma vie. Non, c'est pas le meilleur épisode. Bonjour, notre critique est là, en régie. Est-ce que tu as un surnom? L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, voilà, c'est très bien. Et l'ombre, carrément. Et maintenant, il se casse. En fait, il est venu juste pour faire un petit coco, c'est super sympa. Merci. Donc, tu trouves que ça manquait un peu de vanne, un peu de... Bah, en fait, le truc, c'est que quand vous avez commencé à partir sur le débat, j'ai eu une auditrice... qui s'est plainte du fait qu'on parlait trop de jeux vidéo de façon trop longue et trop sérieuse, trop appuyée peut-être. C'est pour ça que j'arrêtais pas de dire, il faut enchaîner. C'est pour ça aussi qu'elle est en train de te frapper parce que... J'avais essayé de parler de cinéma aussi, mais malheureusement, nous sommes un peu plus calés jeux vidéo. Et oui, mais parce que vous êtes nuls. Ça se discute. Moi, je suis calé en cinéma. Ça se discute, mais il y a beaucoup moins de remake et de reboot au cinéma. Donc, bah non, c'est faux parce que le cinéma existe depuis plus longtemps en fait. Oui. Si tu prends ça de base, j'avais Psycho en tête qui a été refait et c'était très intéressant l'exemple de Psycho. Pourquoi? Parce qu'il a été refait plan par plan. Pat. C'est un remake mais qui est fait exactement de la même manière. Comme la série Skins UK a été refait aux US avec exactement les mêmes plans mais acteurs différents, ce qui n'a pas. Allez, bip bip, on est là sur le tour de table, pas pour faire un nouveau débat. Et donc du coup, je vais donner la parole à Mr Costello sur l'émission, savoir ce qu'il en a pensé. La fille ne s'exprimera pas, mais... J'ai l'impression qu'on joue, tu sais, on joue avec la bombe, là, on se la jette. Ouais, ça fait un petit peu... ouais. Allez, on va changer de présentateur, le régisseur et le chroniqueur. Hop, prochaine émission, nouveau format, nouvelle personne. Mais pour l'instant, on demande à Monsieur Costello ce qu'il a pensé. Viens dans le micro. Attends, ouais, là, c'est bon, ok. Ouais, présente-toi, Monsieur Costello. Bah moi justement je suis un ami de monsieur Protopoulpe, justement il m'a pistonné, on va dire. Pas trop j'espère. Ouais. Et non Emel, tu sais très bien qu'il n'y a que toi que je pistonne. Ah oui. Dès on se verra après la fin de cette émission. Bon bah vous faites ce que vous voulez entre vous. Mais ce que je voulais dire à propos de l'émission, moi j'ai bien aimé justement. Quoique axé un peu trop justement comme a dit Protopoulpe sur le jeu vidéo. Et bon t'excites pas trop quand même, hein, rassieds-toi. En fait on a des connards qui nous ont quittés au dernier moment et qui normalement apportent cette fraîcheur, cette notion un peu plus... Fraîcheur de vivre Nikos. Donc ouais ensuite. Et qu'est-ce que je voulais dire, tu sens la bière Protopoulpe. Et ce que je voulais dire aussi, j'ai une suggestion aussi, si on pourrait faire justement à chaque fin d'émission, donner un gage à Protopoulpe aussi. J'accepte. Je valide. Une petite chanson ou je sais pas. Aïe. Le boss. C'était censé être mon pote hein, de base. Il vient quand même de me flinguer. C'est plus ton pote. On va préparer une chanson à chaque épisode. Ça sera un running gag. Ouais. La prochaine fois, je fais Pokémon, promis. Et tu fais bien. Bien. Tout dépend de ma capacité à chanter, n'est-ce pas? Non, mais je veux dire, tu t'entraînes. N'est-ce pas? M'entraîner. Oui. À chanter. Comment connaître l'air? Mais l'air de Pokémon, qui le connaît pas? Ah, le générique. Quand tu te sauves la peau. C'est trop facile. D'autres choses? Bah. Que tu aimerais rajouter? J'aimerais rajouter beaucoup de choses, mais Bah, toi qu'on parlait! Oui, mais j'ai pas fait beaucoup de vannes de cul, je trouve, donc c'est bien. C'est bien, on s'améliore. Mais juste peut-être tour de table qui concerne qu'une seule personne. Oui, je sais. Ça tourne autour de moi. Non, mais on a été un peu. Après, il dit qu'on raconte notre vie. On a peut-être été un peu trop poulpe, ça serait marrant. Un peu trop long sur l'émission. Moi, j'ai trouve ça intéressant. Mais oui, mais c'est à ton tour de parler. Je vais parler du coup. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti malgré encore une fois les deux derniers types qui nous ont lâchés. On a eu moins de problèmes techniques que les fois précédentes. Donc je en effet, on est trop axé JV, mais malheureusement c'est un peu le passif qu'on partage tous. Peut-être toi Protopoulpe qui est un peu plus comics et toi aussi Shonen, mais malheureusement. On est tous très moi je suis plus JV, du coup j'ai orienté peut-être le débat un peu plus sur. Alors vous êtes axé mais... et moi je suis complètement désaxé. C'était le premier. Débat qu'on avait fait, je trouve ça plutôt cool, même si moi au contraire ça me dérange pas trop ce côté un peu sérieux, etc. Je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Oui, mais c'est même du côté homemade que tu as le temps. C'est ça, tout à fait. C'est le premier tout, c'est le premier débat, c'est le premier non. spectateur. Non, c'est le... mais on non, va, on va parce se poser. Que la dernière fois on avait fait un ring shonen et je t'avais démonté la face. Un débat, j'en ai même pas parlé. Bah oui, je t'avais écrasé. Justement, je trouve que la répartition des voix là cette fois-ci ça s'est fait un peu mieux. Peut-être moins mon micro qui est plus puissant et le tien aussi, Protopoulpe. Non, mais tu sais pourquoi j'ai. Peut-être que c'est mieux sans Loki. Ah, c'est méchant. Non, il nous ment. Et les news, je trouve qu'on était, j'ai été agréablement surpris. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. On a de l'analyse sur chacun. Ma rubrique était peut-être un peu chiante. Je dois l'admettre. Oui. Laquelle? Sur oui, l'écho. Oui. On reverra à la réécoute. Trop de chiffres. Ah oui. Fallait peut-être espacer un peu du plus. Du coup, et en plus, on s'en fout des ventes au Japon. Non, je parlais pas de ça, mais sur le beats. Ah non, le beats c'est intéressant, mais oui, trop de chiffres. Ouais. Donc, non, mais les ventes, t'aurais dû donner l'ordre et pas les chiffres. Ouais, voilà. Ça aurait été peut-être plus simple, mais ouais, ok, j'en prends bonne note. Et si tu ne perds pas encore, qu'est-ce que j'aurais d'autre à ajouter? On fait le point en même temps, c'est cool. Voilà. Shonen, vas-y, termine. Non, c'était bien. Bon, là, on est 3-4. On est 4, apprends à compter. La dernière fois. Ouais, non, mais je sais pas si je dois. Et là, on compte pas, là. Je sais pas si je dois compter. On est que 3, en fait. Non, moi je compte, bordel. Je suis celui qui fout la merde si je compte pas. On est 3 dans ma tête. Hein. Je. Ah non, mais on est 10. C'était toi que je comptais pas dedans. Petite pète. Eh oui, donc c'était bien. Le mot de la fin. Mais ouais, on manque un peu de, enfin, on manque un peu trop de ciné, quoi. Pas que ciné. Ouais, pas que de ciné, pas de culture, mais en fait. Comics, manga, large. C'est vrai que c'est. Par exemple, il y a les nouveaux Avengers sortis aujourd'hui et on en a pas parlé, quoi. Alors non, les nouveaux Avengers ne sortent pas aujourd'hui. Hein. Si, ils ont été dévoilés. Non, ils ont été dévoilés aujourd'hui. Ils ont leaké. Non mais ils ont leaké. Pardon, leaké. Ils ont beaucoup leaké. C'est ce qu'on dit. Bref, non mais je propose qu'on parle des Avengers à la sortie officielle. La semaine prochaine. Exactement. Bah, ils ont dû le faire officiellement. Ils ont dû le faire officiellement, vu que ça a sorti sur 4chan. En parlant de ça, si vous êtes encore à la fin de cette émission, on va réfléchir à voir comment si vous êtes encore là. M'entendez-vous ? Si vous êtes encore là, on va voir comment on fait pour l'émission, parce que on va avoir des petits problèmes au niveau du planning. Donnez-nous de l'argent. Les thunes, ouais, mais ça vient, on va. Faites des noms en cliquant je ici. Je suis pauvre. Je viens de lire le dernier Canard PC Hardware et je crois qu'on va devenir riche en récupérant l'or des composants des vieux ordinateurs. Et ça, on le dit pas à l'antenne, comme ça on garde tout pour nous. Voilà. Ou alors on va aller attaquer quelques cimetières et récupérer des dents en or. Ou alors, un brel de jarreté. Ou alors on fait un braco. Juste au niveau du planning, on sait pas trop comment s'organiser. Si vous êtes encore une fois là, je vous propose de lâcher vos coms. Et abonnez-vous sur YouTube, sur Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez ici pour aimer. On accepte les... sur les réseaux sociaux. On accepte les dons PayPal. Ta gueule. On accepte les dons PayPal, on accepte aussi faites des dons Kickstarter, on accepte aussi les tickets resto tout, allons-y. Voilà, je crois que c'est tout et qu'on va finir sur ça. Tu veux que je te balance une petite musique de fin? J'ai un truc super sympa, ça s'appelle Dead Inside de Muse. Elle est sortie cette semaine. Oh non. Ah, vas-y. Et elle est géniale. Alors, j'espère que YouTube va pas me balancer une. Ouais, on sent l'entrain dans cette équipe. C'est génial. Allez, ciao les loulous et on se voit la semaine prochaine. Ciao. Salut. Totalement. Into your holiness, but there's nothing there. Light only shines for those who share. Unleash a million joys.